Bon, il sera bientôt là. Vous allez tous passer un bon week-end. M. Pokora sera notre invité dans quelques jours. Si vous êtes fan, si vous êtes une Pokorette, eh ben, il sera notre invité dans quelques jours. La il sera Poco là. Famille, on vous dira tant, on vous dira à quel moment, comme ça vous pourrez être là. Et si on terminait avant de savoir par une petite chanson, vous avez entendu la pub qui passe à la télé pour Citia. Ah, putain, ouais. Horrible. Insupportable. C'est une publicité, ça fait Citia, nananana. Ça vous dit rien, ça? Citia, envie d'un appart. Va voir Citia. Va voir Citia. Envie d'un appart. Toutes les pubs chantées et j'ai envie d'être tapé. Moi, la limite, c'est la maf. Ouais. La limite. Voilà. C'est la limite, t'as raison. Ouais. Celle-là, c'est ce qu'il faut, quoi. Mais dès que ça chante, c'est horrible, une pub. Mais alors, attendez, parce que là, c'est pas une petite chanson. Non. C'est pas un petit jingle. Non, c'est un titre entier. Les mecs, attention, ils ont écrit un disque. Oh, écoutez bien, c'est pas une vanne. C'est, ça vient pas de nous, je tiens à le dire. Citia, envie d'un appart. Va voir Citia. Ah, la direct, là. Aujourd'hui, c'est galère de trouver un appart pas trop cher. Tu fais 15 000 visites par jour, mais tu fais jamais la vente. Tu trouves pas le bon coin et c'est vendu avant d'être paru. Tu te dis, ça déconne, qui dois-je déloger point de vue. Citia, envie d'un appart. Avec la chorégraphie. Citia, ah, t'as la choré. Ils sont tous dans la choré. L'air, il me pourrit la tête. Ça marche. Ça dure 1 minute 30, quoi. Rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Ça dure 5 minutes. Chérie, sois plus tout seul devant ton ordi. Tata Citia est là. Elle passe au rap. Tata Citia. On dirait Coxy, vous souvenez? Ouais. Imagine-toi bien ici. Garçon, un là, je pense qu'il y a des mecs, ils ont enregistré ça en studio, ils se sont dit c'est bon les gars, non c'est bon, au niveau du son on est comment là? C'est bien tendance là, hein, ouais, on est là. Bien chez les jeunes là. Là on est entre Jules et Gims là, non, les jeunes ils vont adorer ça. Elle s'arrête jamais. Non mais ça, je pense surtout que ça, c'est une agence immobilière de mecs qui doivent avoir 50 balais, ouais. Avec une agence publicitaire qui ont 50 balais, ouais. Et ils se sont dit on va faire une un musique de pour les jeunes. Ouais. Et les mecs ils savent pas du tout faire, ils ont pris une nana qui fait ouais vas-y t'as envie de prendre un appartement, les mecs se sont dit génial, on dirait du Diams. La boulette, ça c'est énorme. Avec ces codes-là, c'est qui est content? Hein? Citia! Citia! Arrête-moi ça! Tout le week-end. Mais d'ailleurs, je crois que les mecs qui ont fait la musique, même dans le studio, à un moment donné, ils disent arrête! Tais-toi! Bon, en tout cas, s'ils ont voulu faire le buzz, les mecs, ils ont réussi, ça te pourrit la tête. Bon, Pierre, tu vas faire quoi ce week-end? Je suis sorti hier, j'ai une soirée ce soir, je suis à la bourre là et je ressors demain. Donc on va dire dimanche. Les fesses allant mieux. Ouais, ça va, c'est à la cool ce week-end, mais je vais voir mon papa et ma maman. Papa et maman. Julie, qu'est-ce que tu vas faire? Moi j'ai mon mari malade, mon fils malade, un pote à l'hôpital et puis je vais aller voir Bridget Jones avec Stouff. La déprime. Voilà. Et on doit se dépêcher, c'est à 22h20 la séance. Très très bon week-end en perspective. Stouff, à part Bridget Jones? Bridget Jones. Peut-être un anniversaire. Toi, ta séance cinéma, elle te rend. Remplis ton week-end. Mais oui, ça va. D'ailleurs, on doit se dépêcher, c'est à 22h20. Oui, d'accord, bah vas-y. Tu fais rien, ça me dit dimanche. Okay. Donc, ça, je vais finir alors. J'avais encore des trucs à dire, mais il faut qu'elle se dépêche à la cinéma à 22h20. Ah oui, moi aussi, je suis en retard là. Ah bon, tu sais quoi, on va arrêter l'émission. Salut les gars. Rendez-vous lundi. Portez-vous bien, j'avais encore des trucs à vous dire, mais à la cinéma. Donc, allez mater nos vidéos tout le week-end, allez voir tout ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de conneries, vous allez pouvoir y aller. Mais le mot de la fin de Stouff pour terminer. Allez, je t'adore. Et lundi avec la poste, on essaie de passer le code et la vidéo de Danse avec le stagiaire qui va tourner ce week-end. Bisous, mon week-end. Lundi, dès 10h. Du lundi au vendredi, de 22h. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie. On arrête la cassette, on part en direct jusqu'à minuit. Guillaume Radio 2.0, 22h minuit sur Énergie. Guillaume Radio 2.0, c'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Peut-être en train d'aller au resto, voilà. Putain, et ça me déprime, j'ai vu que dans 3 semaines, ça y est, c'est l'heure d'hiver. On recommence, bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est le 7 octobre, on est en direct, il y a du foot. On va se tenir au courant des scores, ça nous permet de vous prouver qu'on est en direct, voilà, c'est important. On a récupéré des FIFA 17 sur PS4 à vous offrir. On fera le clash de la semaine aussi tout à l'heure avant minuit. Voilà, si vous découvrez l'émission, elle s'appelle Guillaume Radio 2.0. Je m'appelle Guillaume, il s'appelle Cyril au standard. Bonsoir Cyril, c'est le premier de la soirée. Allô. Vous allez bien? C'est qui, papa? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va mon Cyril. De Seignac, hein, dans le 12. Ouais, dans l'Aveyron. Eh ben enchanté, représente l'Aveyron, dédicace à tout l'Aveyron, y a pas de problème. Hein. Merci à toi Cyril. Ah ouais. 17 ans, il est là, on va parler des... T'as eu une petite galère après avoir fait l'amour à ta copine, on va en parler, c'est rigolo. Enfin c'est une galère rigolote, c'est pas un truc vraiment... Ouais non, c'est pas de la merde, c'est drôle quoi. T'as pas risqué ta vie quoi, je veux dire. T'as pas eu un truc qui est passé à ras ou quoi. On va en parler dans 2 secondes. Hein. Guillaume et votre message aussi sur le 12, si vous voulez faire comme le Cyril Kellin, comme mon Cyril qui en appelait, du 12. Guillaume et votre... Et texto, si vous voulez faire une dédicace, vous êtes entre poteaux, vous êtes en voiture, vous êtes en famille, les parents devant, vous êtes derrière, ou alors le contraire, vous êtes devant et puis vous avez les parents derrière, vous voulez balancer une petite dédicace, vous êtes au boulot, vous êtes entre poteaux, j'en sais rien, dans les internats, il y en a qui sont encore là-bas le vendredi soir, ceux qui restent les week-ends et tout, vous balancez une petite dédicace et vous allez m'entendre la lire quelques secondes après. Essayez, je vous jure, vous allez voir, ça marche. On a toujours l'impression qu'à la radio c'est de l'arnaque et tout. Je suis devant mon écran, vous tapez juste Guillaume au début du texto et vous me l'envoyez au 6 11 12. Franchement, c'est hyper rapide. Je suis revenu d'Angleterre, je suis trop heureux de t'écouter. Salut à toi. Bonsoir à tout le monde, j'achète la télé pour vous écouter, je vous kiffe. La radio sans toi, c'est pas de la radio. Bonsoir Jessica du Doha. Vous retrouvez, ça fait du bien pour le week-end. Dédicace à Amandine, à l'équipe, c'est qui le papa? Bonsoir à Gaëtan Dodroic. Voilà, vous commencez le texto par Guillaume, c'est pour qu'il arrive dans mon studio, sinon il n'arrivera pas dans mon studio. Ça arrive sur un écran d'ordi tout simple et vous l'envoyez au 6 11 12. Je rentre de l'entraînement de basket au volant, c'est plaisir de vous écouter. Bonsoir Jojo. Je t'ai raté tout à l'heure, mais ah putain, c'était drôle ça. J'ai fait le test du message, Evan de Lorraine, bien sûr, bah fais le test, essayez, vous allez voir que ça marche. J'ai fini le boulot d'un kirk, enfin bonne émission, je vous kiffe. Lucien, mon ref, je t'aime. Voilà, toutes les dédicaces qui arrivent. Avant qu'on se fasse le clash de la semaine, je vais vous présenter toute l'équipe, que vous la connaissiez, si c'est la première fois que vous écoutez. Il y a Julien, le stagiaire, qui est habillé. Oh non. Mais alors, alors, on dirait qu'il va à un mariage. Non, non. Salut tout le monde. En général, tu fais ça quand tes parents ils se marient. Non, mais j'avais envie de changer aujourd'hui. J'ai mis une chemise et un petit pull par dessus. Non, mais il y a vraiment une raison. Tout le monde me clash. Ah bah non, il y a pas de raison. J'ai envie de changer. Des beaux parents. Ah non, même pas. Bah non, c'est vendredi. Non, même pas. T'as été obligé. Ah bah non, on s'est vu, j'ai commencé la radio la soir et puis je suis venu habillé comme ça, ouais, chez petit, moi. Petit bulle, la coche. Ça change, des capuches. Mais ça fait un peu pépé. Bah oui, parce que c'est un bleu un ça peu. Fait pas frais, ouais, c'est un je peu. Je t'ai vu mieux habillé. C'est un peu une laine. Ah, t'aimes pas? En plus, je suis sûr, ta chemise est très jolie dessous et. Ouais, mais il fait froid, que la clim est dehors. Non, mais bon. C'est bien, ça fait bon. Regarde la laine, propre, bon. Ça fait propre. J'ai voilà, le GM bon. Du standard qui sait tout comment est habillé. Non, non, ça me fait rire aussi, c'est marrant. Ouais, c'est bien. C'est marrant, c'est-à-dire c'est de la merde. Ouais, c'est dirais mon prof de français. Ah ouais, une fois que j'ose un truc différent. Ce qui est énorme, c'est que ici, c'est le stagiaire qui fait le plus vieux de toute l'équipe. Attends, c'est normal. C'est quand même énorme, c'est pas avec ici, quoi. Rigole pas trop, Flo des cadeaux. Bonsoir, bonsoir Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir Julia. Salut bonsoir Guillaume, tout salut tout le monde. Vous avez passé une bonne journée? Ouais, ouais, super. Ouais. Bon, bah, en tout cas, j'espère que vous avez passé aussi la journée, c'est bien passé, le boulot, les cours. On peut parler de tout, hein, c'est-à-dire que vous êtes à la maison ici. Guillaume et le message. On se fera. Comment il s'appelle tout à l'heure? Merde, il est où? Calvin Harris. De nouveau. On va s'écouter de nouveau Bruno Mars en plus là. Ouais. Le déchir, ah oui. On l'a découvert ici hein, sur Energy. Découvert ici hier soir, 24K magique. Lucas, ça met Lapin Pompon et au nougat que j'adore. Manon, je suis en porte ouverte chez Peugeot, je vous aime. Ah, bonsoir les portes ouvertes. Bonsoir à Estelle, Loïc, qui un peu est un peu lapis. À ma famille, je vous aime. Bonsoir à Emma, Joséphine, je t'aime. À toute l'équipe, à mes collègues et à mes potos. Mon frère est à l'hôpital, merde. Alors, bah, hey, si bon tu veux laisser ton numéro, on t'appelle. Ouais, bonne chance. C'est le Bétravier, je t'aime, maman, ta fille Andrea, Mégane de la part de Mathis. Voilà les dédicaces. Hurle, c'est qui le papa sans que personne ne s'en rende compte, bien sûr. lycée Marcelin Berthelot de Questembert. Bonsoir, et ben voilà, il y a plein de dédicaces qui arrivent aux gens de Conflans, à tous les éleveurs d'Aubrac de l'Aveyron, Joséphine je t'aime, à mes collègues, à mes potos, à mon enfant, à mes enfants Théo et Nathan. Ben, salut les enfants. Bisous, salut. Big up, big up, salut, big up. Ainsi qu'à ma femme Séverine, bonsoir le Marseillais, je t'aime Jara, bonsoir à toi, je t'aime Océane de Hugo. Ah oui, les dédicaces d'amour, ça marche aussi, vous êtes ah en oui. couple en voiture. C'est mignon en plus. Vous êtes en couple à la maison, vous écoutez la radio, bah faites une petite dédicace, c'est romantique. C'est original aussi. Voilà, Guillaume et votre message au 612, on va essayer de les lire. Ouais, c'est marrant à faire. Bah oui. Franchement, moi j'ai toujours envoyé des messages aux radios et jamais personne l'a lu. Alors, ah ouais. À chaque fois que j'envoyais, j'avais l'impression de me faire enculer. Et je me suis promis que le jour où je ferai de la radio, eh ben, je les lirai. Voilà. C'est de l'arnaque, on est enregistré, je plaisante la bah vie, non. Bien sûr. Ah, et le stagiaire, ah oui. Je l'encule. Non, non, bah non, ça tu vas retirer, le non, stagiaire, non. Je l'encule pour c'est le routier parbu. Bah, le routier, attention par sur la route. Hein. Non, non, non, non, c'est jamais. Non. Je rentre du taf, il caille, ça fait du bien de vous écouter, les potos, à tout le 48 et vive. Et vive la Lozère, bonsoir Robin. Ah, la Lozère, ouais. Je t'écoute et j'attends ton appel pour ce soir. Bah alors, je sais pas si je dois t'appeler parce que t'as pas laissé ton numéro, t'as pas dit pourquoi, Alexandre, cette merde. Un énorme bisou à Alex, ta femme, quand elle est. Elle est partie bosser, j'ai pas compris. Un gros bisou à Alex, ta femme qui elle est partie bosser. J'ai pas compris dans le message. C'est sa femme qui fait une bise à Alex. Parce ouais, puis, ah oui, qui est partie bosser. Ouais. Ouais, mais il y a des mots en trop. Alors, je veux bien lire des messages en direct tout en réalisant l'émission, ah ouais. Mais si les messages ils sont pas en français, les gars. Bon, il y a Cyril qui a appelé. Cyril qui a appelé de Seigna, qui représente le 12. Ouais, l'Aveyron. Salut à toi, ouais. L'Aveyron. Dédicace à tous les Aveyronnais. Ouais. Bisous, bisous. Représente. T'étais ouais. Jamais passé, Cyril, ou c'est le dépucelage radio là? Non, non, dépucelage. Pas dépucelage. C'est la même chose. Eh ben enchanté. Je te dis, t'es jamais passé ou c'est le dépucelage? C'est comme si je te dis, tu vas bien ou ça va pas mal? Ça va pas mal, tu vas bien quoi. Ouais. T'écoutes les gens qui sont autour de toi, Cyril, ou t'en as rien à branler toi? Genre quand t'es avec des potes et tout, genre. T'es genre de mec qui dit ça va, l'autre il dit non, tu fais ah cool, et toi? Ouais, tu t'en fous, genre. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que. Ouais, c'est ça. Je m'en bats les couilles. Ah, c'est vrai. Ouais. Il y en a, hein. Ah ouais, moi je te prêterai pas mes enfants. Hein, tu veux des enfants, Cyril? T'as des enfants toi-même ou pas à 17 ans là, non? Non. Il est payé, on a beaucoup d'enfants, 17 ans. Bah oui, là, attends, ouais, bah oui. C'est pas... Attends, moi j'ai mon meilleur ami qui avait un enfant à 16 ans. 16 ans. Tu peux le faire, hein. Ouais. Non, mais attends, tu peux avoir un enfant. Mécaniquement, ça marche. Mécaniquement, tu peux même l'avoir à. J'ai vu, il y a des enfants à 13 ans. Même plus tôt. Ouais. C'est à 56 ans, j'ai vu. Je sais pas à quel moment il allait chercher ça sur Internet. C'est ça qui m'a. Il y a des articles, des fois, des gens un peu bizarres, quoi. Ah, c'est vrai. On est payé, ouais, j'avoue. À 5 ans, il y avait une fille qui a accouché, je crois. Ah oui, j'ai vu ça. T'imagines? Ça, c'est bizarre. Et c'est vrai, le mec qui a porté un enfant, c'est vrai cette connerie? Mais non, mais c'est un film. Non, dans Secret Story. Mais non, c'est un secret, c'est écrit. C'est vrai les cadeaux. Bah en fait avant c'était une femme et il s'est transformé en homme. Ah bon? Ouais. Et donc en fait avant qu'il se fasse opérer totalement, il avait encore ses ovaires, donc il pouvait. Non, je crois pas. Hein. Et un utérus. C'est ça l'histoire. Ouais. Et il pouvait encore mettre enceinte. Non, c'est pas ça, Julia. Il y a ça, mais moi j'avais vu une histoire où c'est une espèce de poche qu'on te met dans le ventre d'un vrai homme et on vient un espèce de fœtus quoi. Il sort d'où l'enfant? Par derrière? Bah non, par le ventre. Ah, césarienne. Et en fait il sort où si jamais? Imagine, il y a tout le monde qui meurt, ça là t'es tout seul comme un pauvre con. Et il sort pas par le trou de balle, il sort par où, tu vois? Ah si, je pense par derrière. Allez pour tester des puchelages, petit dédicace à ma chaîne YouTube Lilix et Lil Zix. Voilà, salut les gars. Salut. Bonsoir. On est en direct, il y a du foot hein, ce soir. Ouais, la France qui mène 4-1 contre la Bulgarie. Pour ceux qui suivent le match, c'est 4-1. Mené 1-0 au début. Hein. Exactement, gros match. Hein. Ouais. Ah, mais bah, c'est important. Content de finir la journée avec vous. Merci, Marine du 33. Oui, c'est important. Pour la Coupe du Monde en Russie. Ça change quoi si on gagne ce soir? Bah rien, on s'en fout. Merci. Bon. Non, mais c'est match de poule. C'est important, Oui, c'est important, mais ils peuvent perdre ce soir, ils rejouent lundi, donc ça va. Ah ouais. Salut Eric Mude, JRFM Aubin, bonsoir à tous, c'est qui papa? Salut. Je t'aime Guillaume, à tout de suite. Salut Camille de Douai, salut à toi. Bisous. Guillaume qui va chez sa chérie Camille, bonsoir, bonne émission les mecs. Bisous. Et un spécial Guillaume, salut Claire, gros bisous Claire. Salomé, Thomas et Alexis, Lana et Emily qui sont dans la voiture, il n'y a pas de problème. Hein. Les dédicaces, on les fait, hein, les gars. Guillaume et vos textos là, vous allez voir, on les lit. Demain, départ pour Lyon, je vais à l'anniversaire de mon parrain, bonsoir Johanna du 78. Salut. Ma gros bisous ma Johanna. Je suis de nuit à la récolte des haricots. Bonsoir Guillaume du 24. Ah oui. Salut en Dordogne. Ouais, c'est ça. Salut à tous les agriculteurs. Je vais te dire, t'as besoin de te racler la gorge, non? Ah non, c'est pas moi. Ah, je croyais. Je me suis dit, vu qu'il a un bulle de vieux aujourd'hui, Ça va. Il veut un crash. J'ai un danger. Non, je te rassure. C'est pas moi, Louis. C'est pas moi. Salut à tous les taxis comme moi qui emmènent les jeunes en boîte. Salut les gars. Eh bah, kiffez bien les taxis. Bon courage. Bon courage. Et kiffez bien si vous allez en boîte ce soir, du coup, si vous sortez. Bonne soirée. Vous mettre une petite trace un peu là. J'aime ça. Tu sors ce soir un peu? Non, je crois pas, Guillaume. On est en direct, je précise. On est. Mais quoi qu'il arrive, le vendredi, le lundi, le mardi, on est tout le temps en direct, mercredi, jeudi, vendredi. Tu fais rien de. Non, pas ce soir. Non, pas je ce soir, pas. Non. Ouais. J'ai un truc. Bah, j'ai un petit rhume la soir, donc je vais être à la maison. Ah, t'es un peu malade? Ouais, un petit peu, ça va, gentiment. Mais... Ouais. Tu vois, je te disais que tu fais tout le temps avec les gorges. Non, mais c'est en haut, c'est le nez, ça. Julia, t'as un truc de prévu ce soir ou pas? Je crois qu'il y a un virus qui tombe parce que je suis pas très bien, donc je crois que je vais dormir. Hein. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Tout le monde est un peu. C'est vrai, c'est l'hiver qui arrive. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais putain, là. L'énergie, c'est catastrophique. Guillaume, je t'aime trop, je rêve de trop. Bah, avec plaisir, les mecs. Bonsoir à la Manche dans le 50. Test message, je veux une PS4, merci lol. Salut. Salut Olivier, c'est Louis Bascan à Rambouillet, bonsoir à toi. Salut à la PS4. Salut, gros bisous, mon poteau. Aux collègues infirmiers, salut les poteaux, bon courage. Ouais, bon courage. Je vais s'agir en Y sur son canapé. Non, pas en Y. Ok, c'est Marcelin Bertolo. Et ben voilà, les dédicaces, on les fait. 17 tambours en Bresse, Poupoulpe, Chia, voilà, c'est le cas. Et Cyril qui est là, qui passe un petit coup de fil parce qu'il t'est arrivé un truc, t'as fait l'amour à ta copine, en gros. Hein. C'est ça, mon Cyril? Ouais, c'est ça. C'est ça, et alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon. En fait, une musique de conte pour enfants. Ouais. Enfin, attends. Attends, c'est là. Non, ça marche pas, ça. Attends. Attends. Ouais, ça c'est bien. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, raconte comment t'as ken. Ouais, du coup, samedi dernier, on a été un bal tranquille. Ouais. Et puis on est rentré chez elle après. Ouais. On a fait ce qu'on avait à faire, tu vois. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Fait bientôt 2 ans. Ah ouais. Et c'est pas la première fois que tu couches avec quand même? Non. Ouais. En 2 ans. Genre après jette le préservatif à la poubelle et hier je reçois un message et elle me fait ouais, il y avait la contrôleuse laitière, son père il est agriculteur, tu vois. Ouais. Et mon chien sort de ma chambre avec le préservatif dans la bouche et il va le poser au pied de la contrôleuse laitière alors qu'il est en train de boire le café avec mes parents. C'est vrai? Oh putain. A rempli le truc. Mais ça, c'est possible. Ouais, ouais. Il doit y avoir des odeurs humaines. Ah, le chien, merde. C'est de la bouffe, hein, le musper. Il a pas compris. J'ai stagiaire, il croit que le musper, c'est de la musper. Non, il y en a qui l'avalent après. C'est une boisson vitaminée. Je crois que c'est du Red Bull. Non, ça sort des couilles de ton rogue. C'est pareil, ça sort des couilles de. Ça va. De mon homme, de mon mec. Pas du tout, non. Quoi? Riche en vitamines? J'en mets sur la gueule aussi, ça? Non, mais vous savez que. Non, mais il paraît que. Pour la peau, c'est bien. On fait des masques. Voilà. Et donc. Non, mais par contre, ça, c'est vrai qu'un chien peut aller même manger la merde ou des trucs un peu hardcore, quoi. Ouais, bah oui. Et il a ramené la capote, il a ramené la capote en gros. Imagine, il a bouffé la capote. Dans la cuisine. Vous mettez toujours la capote? Ah, ouais, il l'a. Au bout de 2 ans? Ouais, vous mettez la capote, peut-être qu'il prend pas la pilule. C'est plus malin. Ah, ouais, peut-être. Non, non, non. Ouais, parce qu'il y a des filles qui sont allergiques aux pilules, ouais, il y en a qui ont des terrains un peu plus cancérigènes. Enfin, ou à latex aussi. Hein. Pour les cancers et tout, il y a des gens qui sont. C'est pas bon pour eux. Et il y a des gens qui sont allergiques au latex. Mais vu qu'ils prennent la capote, ça marche pas. Je cherchais Je parlais pas. Le mec, il dit le contraire. C'est justement. Oui, pardon. Mon petit bonheur à Rachel du soir. Salut à toi, c'est plaisir de vous retrouver. Moi aussi, ça fait plaisir de vous retrouver, les chéris. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir pour tous les petits messages qui arrivent là. Ils nous réjouissent notre cœur. Salut à Megan de la part de Mathis. Je remets car elle a pas entendu. Ah vas-y on refait alors. Allez, j'espère que t'as entendu Megan de la part de Mathis là. Salut la routine aux lunettes. Salut la routine aux lunettes. Salut. Je souhaiterais que tu dises à la radio que Antoine aime sa femme Morgane plus que tout. Merci, continue comme ça. Eh ben voilà qui est fait. Ouais. Salut Alexandre du 7-4. Bonsoir de l'île d'Oléron. Eh ben salut les potos. Guillaume et votre texto 612 si vous voulez le faire aussi. Et Cyril alors comment ça s'est fini alors du coup l'histoire? Mais du coup, elle a dû nettoyer et passer la serpillière parce que du coup, ça avait coulé par terre partout. C'est vrai. Oh là là. Oh, c'est en fait, il y a un truc à savoir, c'est qu'il faut faire un nœud. Bah oui, toujours. Avec une capote. Ouais. C'est jamais ce qui va arriver. C'est clair. Aux toilettes. Imagine, il y a ta petite sœur qui attrape un truc. Non, mais c'est vrai. Même c'est pas une panne. Et pas aux toilettes, ça peut remonter. Ah ouais, avec les bulles. Ah, il connaît. Comment tu fais alors, chez une sœur avec capote? Bah, je fais un nœud et je la jette après à la poubelle. Mais où ça? À poubelle. À poubelle, ouais, moi je la. Ouais, dans le sac. Moi, j'ai autour d'un mouchoir. C'est pas là, je jette. On vit seul, donc ça va aussi. Laetitia, veux-tu m'épouser? Ah, Laetitia, veux-tu m'épouser? Hugo, dire oui. Hugo qui demande si tu veux l'épouser, Laetitia. Regarde, embrasse-le, dis-lui oui. Et écrivez-nous que c'est bon. Voilà. On aura passé une bonne soirée. On aura été utile ce soir. Couchera. Première fois que j'écoute en direct le jour de mon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, ouais. Nous sommes le 7 octobre aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais. En direct. Et alors, attends, et donc, ça a giclé partout, tout ça. Et tes parents, ils ont parlé? Ses parents? Ses parents, je sais pas. Je les vois demain. Ah ouais, t'as pas dit. Ah ouais. Ouais, mais tu sais pas s'il a engueulé. Tu sais pas s'il a engueulé. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, je sais pas. Tant mieux, quoi. Moi, je se protège. Hein. Ouais. J'ai une fille de 17 ans. Voilà, le chien, il ramène une capote pleine de musper. Tu peux mal le prendre. Je coule sur mes pieds en chaussons. Ah ouais. Le matin, je pense que. Excuse-moi, même si je suis. Allez, moi, pourtant, je suis sûr que je serais un père extraordinaire. Non, mais franchement, je serais hyper cool avec mes enfants. Mais le sperme, là. Mais le sperme, j'ai c'est-à-dire, imagine, tu prends le petit déjeuner avec ta femme. Putain, j'avoue. Imagine dans 30 ans. Tu prends le déjeuner avec ta femme. Et t'as ton chien. Et tu sens du liquide chaud. Mais déjà, j'aurais pas de chien, mais. Du froid. Ah ouais. Qui coule entre tes orteils. T'as du musper de ton beau-fils. Il a giclé dans ta fille. Ah bah là, il y a réunion de famille. Imagine le truc. Conseil de famille, on en parle. Mais moi, je m'énerve. Pas moi, elle se protège. Là-dessus, c'est bien. Non, après, on va. Après, j'engueule le chien, moi. T'as une fille dans 30 ans. Ça coule sur tes orteils. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je le prends mal. Attends. Mais il faut bien qu'elle vive, elle a 17 ans, ça va quand même. Mais attends. Non, mais oui, mais qu'elle vive. Je préfère ça. Je dirais pas coucher, je dirais s'il vous plaît. Rangé dans la poubelle, caché sous les déchets, mais venez pas. Je leur offre une poubelle, c'est pour eux. Mais c'est une poubelle qui fait. Une déchetterie à part. Attends, j'ai mis le sang. Après, là, c'est quand même pas mal de malchance, quand même. Pour que le chien, il apprenne. Et l'amène au pied de l'autre, franchement, c'est chaud. Ouais. C'est jamais arrivé. C'est un petit peu une sorte de guide spirituel. Ouais, non, mais il refait les histoires. C'est vrai, il a pas de chance, c'est pour ça. Dédicace à Lénine, secteur pilage. Bonsoir à vous. Je vous écoute en rentrant du boulot sur une route qui me fait flipper. Salut Mathilde. Bon courage Mathilde. Salut. Salut. Je vous écoute depuis un an. Ne changez pas Marie Labouré et passez chez Coué Mordin. Salut Alexis de 85. On n'est pas marié à elle non plus. Go le rock d'Azur entre frères. Gros bisous à vous. Et vélo à tous, alors je sais pas, ça doit être bise à tous à mon avis. L'animateur préféré des routiers, je vous écoute tranquillement dans mon camion, c'est le top. Salut mon Greg. Salut. Bonne route. Bon bah voilà, Guillaume et vos dédicaces au 612. Alors on est avec Cyril. Est-ce que vous avez déjà eu un souci après un rapport sexuel? Voilà, alors, on va pas parler de cul en soi, hein. On va parler de quel problème vous avez eu après un rapport sexuel, est-ce que vous avez déjà fait l'amour à quelqu'un? C'était votre patronne. Son mari l'a appris, vous avez été viré. Ah voilà. Les soucis qu'on peut avoir physiquement, est-ce que vous avez laissé une trace sur quelque chose? Vous étiez en couple et vous avez eu une, un rapport avec une fille dans la, sur le canapé. Elle a glissé son string entre les coussins, elle a oublié. Et après, votre copine, un mois plus tard, et passe sa main, elle fait qu'est-ce que c'est ça? Et là, tu fais, je sais pas. Ouais. Putain, ils sont fous quand même, canapé cuir. Ils nous ont dit d'en faire un stream. T'imagines? C'est pas putain, c'est là. Mais attention. Franchement, Cuir Center, c'est plus. Que... Ils sont vachement plus généreux. Que penses-tu du nouveau son de Shay? Ah, j'ai pas. Je vais l'écouter avec plaisir. On se fait Vita, le nouveau là. Vita, on se fait Bienvenue à Paris. On se fait Maître Gims et Jules, qui a été demandé aussi. Il s'appelle Boucan. Calvin Harris, le nouveau. Ok. 21 Pilots. On se fait les nouveautés là. Soon of Legend, on se calera Alex Ayo, on se calera Shawn Mendes, John Carreta, J Balvin, Snake, on se fait les gros hits. Guillaume et votre texto au 612. Quel problème vous avez déjà eu après un rapport sexuel avec un mec, avec une fille, quelques temps après, au lendemain ou juste après? On se raconte un peu les problèmes à cause d'un rapport sexuel sur Energy. Bienvenue les mecs, 22h18 en direct. Comme si j'étais la mif, ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, passe par ici. C'est plus de Nîmes mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Bébé, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du les gens. En mode voiture là ce soir, si vous êtes en train d'aller vous balader et tout, bon courage, kiffez bien les gars. On se fera les plus gros. Et tiens, un morceau qui vous donne envie, vous me le dites. Hein. On fait une émission interactive. Il y aura Vita qui a été demandé là. Il y aura Shawn Mendes. Il y aura J Balvin. Avec Pharrell Williams, Safari. On sera fait DJ. On sera Son of Legend, toi T1 Pilot, Chain Smoker. Tous les gros hits qui déchirent.

Now I close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. Lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spinny hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Saison, nouveaux horaires. J'ai de la couille, j'ai de la bite, j'ai tout ce que tu veux. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne. Sous 9 légendes après Blue, on se calera et on va faire le jeu comme chaque vendredi soir, du coup, le clash de la semaine. Il y a l'un d'entre vous qui vient de s'inscrire, il s'appelle Mathieu. Il nous a demandé qu'on énerve sa mère Noël. Alors on va l'appeler. Voilà, on va se faire croire que ça va être une sorte de bande mafieuse qu'il a enlevée et qui réclame de l'argent parce qu'il aurait volé de l'argent dans une valise. Il va faire croire à sa mère qu'il a accepté de l'oseille pour garder une valise au lycée, devant le lycée, etc. Donc sa mère, je pense qu'elle va s'énerver, on va le faire dans deux minutes. Bonsoir à toi, j'espère entendre le nouveau Bruno Mars, il déchire. Ah ouais, il déchire. Ouais, il est pas mal. Ouais. Joanne du 59. Non, vraiment, il déchire. On l'a eu hier. Hein. C'est, vous l'avez découvert sur Énergie d'ailleurs, on l'écoutera. Il s'appelle 24K. Voilà, si vous l'avez pas encore entendu. 24K. Ouais, 24K. Et c'est comme de l'or en fait, hein, 24K. Ouais. Ah, ouais. 24K. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est la pute à Poutine. Non, arrêtez, arrêtez avec ça. C'est pas drôle, franchement. C'est bonsoir Guillaume, comment ça se passe pour le livre de Jean-Marc l'espion, Tom de Montpellier? Ah bah attends, normalement on a pris tes coordonnées. Oui. Si vous avez gagné, et normalement c'est bon, Ouais, on les a fait passer à la maison d'édition, ils vont t'envoyer le livre. Ah voilà. Ah, donc il faut les prévenir alors, Guillaume. Ouais, on ne peut pas le deviner. Ah bah la preuve que non. Alors attends. Excuse-nous, mon con là. Salut Tom de Montpellier. C'est, alors c'est parce que t'as dû rater un appel parce que c'est vrai qu'ils appellent et tout. T'as prévenu Flo des cadeaux ou pas? Ouais. T'as prévenu tous ceux qui avaient gagné le livre ou pas? Oui, je les ai eu au téléphone, on a pris leur adresse et on leur a expliqué qu'on leur envoyait. Ouais. Ah bah alors normalement Tom, si on t'avait gagné ou non, on t'a eu. Hein. Ouais. Salut à Rito et Chuka, salut Tiffany. Salut. À ma chérie, 2 ans d'amour et des enfants, à nos, et des bisous à nos enfants, Marjorie du 7-4, bonsoir à toi. Félicitations pour les 2 ans du coup. Merci les gars, ma soirée est assurée avec la dédicace. Salut Antoine. Salut. À la seconde GT3 de ORT Strasbourg. On vous écoute dans la voiture aussi avec mon chéri. Bisous les chéris, bon courage. C'est écouté en voiture, bonsoir à Marjo. Actuplé, bonsoir. Bonsoir à ma Lucie, bonsoir à Elliot du 6-7, à Florian du 85, le jour de mon anniversaire. Bon anniversaire aussi Florian. Bon anniversaire mec. Vous êtes hyper nombreux à appeler, on se racontait les soucis qu'on avait par rapport à un rapport sexuel. Alexandre, tu m'entends de Périgueux? Oui, je l'entends. Eh ben c'est mieux. Salut. Voilà, sinon, c'est la merde. Oh, ça va ou quoi? Ouais, ça va nickel. Ouais, ça va. T'es à la maison ce soir, t'es tranquille du coup, c'est ça? Non, non, je suis en voiture là et je vais voir ma copine. D'accord, ah, c'est très bien. En amoureux. Elle habite très loin de chez toi? Non, une demi-heure. Ah ouais, c'est bien quand même. C'est bien. Attends, faut avoir envie de faire la route. Tu fais la route, attends, c'est bien. C'est mignon. T'es bien Big Flo et Oli ou pas toi? Ouais, je kiffe. Attends, ils ont sorti. T'as vu leur morceau? Ils ont sorti leur morceau avec avec du jardin. Enfin, du jardin. Ils chantent pas dessus. Hein. Et c'est le morceau pour le film. Voilà. On est vachement fiers d'eux. Voilà. On leur fait un gros bisou et bravo Big Flo et Oli qui continuent leur chemin là. Et ça s'appelle Pour un pote. Je pourrais sortir le katana. Pour un pote. Dormir avec des piranhas. Pour un pote. Ouvrir un bar dans le Sahara. Pour un pote. Ça va si ça va pas. Pour un pote. Le premier avion pour Rio. Pour un pote. Du gardien. vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? On me dit souvent arrête un peu, tu vas mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Il y a toutes les nouveautés qui sont sorties aujourd'hui, il y en a plein. Il y a aussi c'est quoi, c'est le nouveau Lumberjack. Ah non, ça c'est parce que j'ai rien. C'est ah, ça. À nouveau, il y a... Est-ce que tu as une nouveauté de la journée? Pas mal ça, attends, il y a eu... Ouais, il y a trop de jaloux, hey, ma. Ils veulent mon bif, hey, ma. Ils veulent... La Gérino, il y a Loïc Miller. Fresh Montana. French Montana, j'ai un stagiaire. Alors French Montana, c'est français, montagne, montagne non, française. Non, non, montagne française, c'est mountain. Ouais. Montana, ah, la Montana. Tony Montana. French Mafia. La montagne. C'est peut-être. Ouais, ça. Hey, la Montana. Non, je sais pas. Ah. C'est-à-dire quoi Montana? C'est en quelle langue? Alors c'est un nom de famille Montana. Ouais, Montana. Parce que quand il dit French, c'est en anglais. Alors c'est sûr que French c'est français. Ouais, ouais, French c'est français, ça c'est sûr. French c'est français, mais après. French manucure, tout ça c'est français. Merci, merci. French kiss, fais les tous. Après tu peux dévier longtemps. French Cancan, c'est dernier. J'ai fait crier une fille deux fois la première fois en lui faisant l'amour, la deuxième en mission dans... Ah, c'est connu ça. Ouais. Oh, non, ça... Alors les blagues recyclées, vous les faites sur Réaction. Et passe ici en inédite et après c'est les... C'est ainsi que... Et JM du standard, t'as pas fait ta vanne aujourd'hui? J'ai pas fait, Guillaume. Tous les jours, il a une bonne blague. Ah oui, c'est vrai. Alexandre, on est d'accord que tu veux entendre la blague de JM du standard? Ouais, carrément. Vous avez tous appelé pour ça. Cyril, Jason, Vincent, Florian, Adrien, vous êtes tous là au standard? Oui. Ils attendent tous de passer, mais surtout ils attendent la blague de Jim. Ah, avec plaisir, ils sont jury en fait. On attend tous. Attendez, vous n'allez pas attendre longtemps. Vous allez pas attendre. Parfois il faut mieux attendre. Elle est bonne ou pas? Ouais, franchement, ouais. Elle est très bonne. Ouais, très bien. J'espère. Je sais qu'elle est bonne, vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a dit je suis prêt. Ouais. Non, c'est pas moi la phrase. Elle est une très bonne blague comme ça. En général, il a envie de la faire direct. Et ben, tu sais quoi? Et pour le plus grand plaisir de. Déjà de toi, Jim le sens. Déjà, ouais. Pour ton plus grand plaisir. Merci beaucoup, on va t'écouter William. Faire ta blague quand tu veux. Donc en fait, c'est un ministre italien qui vient passer des vacances dans la ville. On va recommencer. C'était moyen, ouais. Qu'est-ce que vous avez en ce moment? C'est pas compliqué en plus le mot vacances. On va prendre un orthophoniste pour tout le monde. Attends. J'ai même pas compris ce que t'as dit en plus. Un ministre. Ministre italien. Un ministre italien. Ouais. Très bien, on recommence. Allez, c'est un ministre italien qui vient passer des vacances dans la villa d'un pote à lui qui est ministre en France. Donc en fait, il entre dans la villa du ministre français et il voit des tableaux, des sculptures, des bijoux, plein de trucs de valeur, quoi, tu vois. Et pendant le repas, l'italien demande à son pote, il fait: mais comment t'as fait pour gagner autant d'argent en faisant de la politique? Et le ministre français lui dit: en fait, voilà. Il lui montre une fenêtre et il fait: c'est simple, tu vois l'autoroute là-bas, ça a coûté 10 milliards d'euros à la collectivité et 10% de 10 milliards dans ma poche. 10% dans ma poche. Franchement, c'est pas fluide. Faut s'accrocher quand même. Et t'as fait rire Jason déjà, tu vois. C'est un petit plus. Attends, les mecs au standard qui se marrent. Mais c'est pas pour la blague, je veux dire. Ça fait plaisir, ça fait. Il y a des chiffres. Ah oui. Voilà, c'est un ministre italien. Recommence. Excusez-moi. C'est pour ça, je vous explique. En fait, à chaque fois que je fais une blague, ça prend la moitié de l'émission. Voilà. De quelle race ou neuf légendes d'après? Ouais. Ça fait bizarre de vous écouter, des caisses à des ambulanciers du 86, c'est la petite femme océane que j'aime. Salut Juju. Salut. Bonsoir à tous. JM du standard, notre standardiste, essaye de raconter une blague, il a du mal. Ouais, bah oui. Il avait du mal hier, il avait du mal avant-hier, il aura du mal demain. Bonne soirée avec vous en perspective, dédicace au CJ de Grenoble, Bolin du 6-7 et à Fufu du 26 de la part de Marine du 29. Bonsoir à toi. Bisous, bisous. JM du standard, attention, on recommence, c'est un sans faute. Allez. Un sans bug. Un semblant, c'est une blague parfaite du GM du standard. Top, c'est parti. Donc c'est un ministre italien qui vient passer des vacances dans la villa d'un ministre français, c'est un pote à lui, tu vois. Et il entre dans la villa du ministre français et il voit des tableaux, des sculptures, des trucs vraiment de valeur et tout, il hallucine, tu vois. Pendant le repas, l'italien demande à son pote, tu fais: mais comment t'as fait pour gagner autant d'argent en faisant de la politique? Et le ministre français, il répond: bah c'est simple, tu vois. Là-bas, il y a une fenêtre, tu vois l'autoroute, ça a coûté 10 milliards d'euros à la collectivité et 10% directement dans ma poche. 5 ans plus tard, c'est au ministre français d'aller en vacances chez son pote italien et là, il voit que le ministre italien, il habite dans un château de ouf avec des tableaux qui coûtent super cher et tout. Et pendant le repas, le ministre français, il demande une explication, quoi, tu vois. Il lui fait: mais comment t'as fait pour gagner autant d'argent? Et là, le ministre italien, il répond, il remontre une fenêtre et il fait: c'est simple, tu vois l'autoroute là-bas. Le ministre français, il fait, ben non, je vois rien. Et là, le ministre italien, il fait, ben ouais, c'est pour ça. Ok. Merde. Ah oui, parce qu'il a pris tout l'argent pour lui. Ah merci. Elle a rigolé. J'ai pas compris. Et t'as poussé pour la faire. Alors Jason. On a compris, je pense. Ah, c'est le seul qui a rigolé en plus des autres. Ah ben. Voilà. Merci quand même. Est-ce que vous avez compris merci au standard ou pas? Non, c'est bien qu'il y ait du monde. Non, du tout, on a rien compris. Hein. Ah, du tout. Ah bah oui, on. Non mais t'as vu, franchement, heureusement, je sais pas. C'est quoi la chute? Non mais en fait, je t'explique, je pense que c'est une blague d'italien que t'as traduit. Ben non, pas du tout. En fait, du coup, c'est italien. Les Italiens, ils sont pas contents de pas avoir d'autoroute, mais quand nous, on comprend pas la blague. Non, mais il y a pas d'autoroute là-bas. Mais non, c'était pas ça du tout en fait. Ah, c'était quoi? C'est parce qu'en fait, le mec il lui dit: regarde, est-ce qu'il y a une autoroute là-bas? Il lui dit: non, ben, c'est pour ça en fait, il a pas fait construire d'autoroute et il a détourné les 10 milliards d'euros. Ah ouais, non, mais ça, non, j'ai compris. Elle est trop subtile. J'ai compris, mais du coup, c'est une blague d'italien. Ah non, pas ça. Elle est pourrie ta blague. Elle est énorme. Venez au 22 rue Boileau dans le 16e. Ah ben venez, ouais. Prenez en équipe, je vais vous faire des blagues. Prenez des œufs, des tomates. Elle mérite 2 quand même. Attends, elle mérite 2 sur 3. Ah ben non, c'est ça. Même pas 0,5. Ah ouais, même pas. Non, j'aime du standard, alors à part un NMA de la blague. Ah bah si, on a des biens quand même. J'ai musique avoir de la blague. Ah là, je suis déçu. On a cassé une table qui était à mon père et une chaise de la même semaine avec ma copine. Salut Florian. Là. Salut. Florian, il a tout cassé. Salut. Alors ça c'est toi, hein, c'est ton message. Tu vois, je viens de le lire, en plus j'ai pas vu que t'étais au standard. Hein, pour vous dire qu'on lit vraiment les messages. Alors vas-y, bah, on va commencer par toi Florian. Là. On a eu un bug avec une ligne, vas-y on t'écoute mon Florian. Qu'est-ce qui t'arrive au Havre, t'appelles toi? Ouais c'est ça. Tu travailles dans quoi toi? Je suis animateur sportif. Ok, très bien. Alors avant de faire le clash de la semaine, vas-y, raconte-nous. On se raconte les problèmes qu'on a eu à cause d'un rapport sexuel après. Ouais, bah du coup, avec ma copine, bon, on fait ce qu'on a à faire et tout, quoi. Et puis on commence à chauffer tout dans la cuisine. Et puis du coup, on avait un petit peu envie d'aller plus loin, quoi. Allô? Ouais, je t'écoute, j'écoute, vas-y, Carmon. Pour une fois, j'écoute quelqu'un. Et puis du coup, on va un peu plus loin. Et puis du coup, on essaye sur la table, c'est la première fois qu'on le faisait. Et puis du coup, en fait, la table, elle n'a pas tenu du tout. Donc du coup, là, c'est les deux pattes du côté, ils sont cassés, quoi. Ouais. Donc il y avait tout dessus, il y avait la vaisselle, les verres. Tout est tombé par terre. Oh, le bordel, ouais. Là. Ouais, bah du coup, j'ai essayé de retenir, mais pas possible. Avec ma copine, on s'est plié de rire, quoi. On était mort de rire et puis du coup bah tout est pété, quoi. Ouais, et c'est quoi, c'est une vieille table, genre une vieille table allumée? Oh ouais, c'était une vieille table, celle en fer, il est en fer là, tu sais, celle qui tiennent pas, quoi. Ouais, carrément. Et alors, t'as tout pété chez toi? Tu as été fort aussi alors? Ah ouais, j'étais fort aussi. Ouais. Ouais, bah après c'est normal, ouais, hein, quand tu y vas, ouais, tu fais l'amour, tu mets des coups. Ah bah ouais, t'en fous de la table, hein, tu vois. Je déteste faire l'amour doucement, moi. Je n'ai pas envie. C'est bien des fois pour récupérer. Ouais, oui, non, bien pour sûr. Pour souffler, boire, oui, un verre. Ouais, voilà, pour voilà. Change de rythme, quoi. Ouais, pour, non, mais bien sûr, on est d'accord. Mais si c'est que pour faire l'amour, changer tu mets sur un vélo truc qui tient pas et tu dois aller tout doucement pendant 2 heures, ça n'a aucun intérêt. Ah non, c'est relou. 2 heures. À un moment donné, faut qu'il y ait la. Faut que ça cogne. Ah ouais, faut que ça cogne un peu, quoi. Qu'il y ait de l'impact. Ah, ça claque, exactement. Tu l'as fait claquer, toi, ta copine. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 3 ans. Ah ouais. Toi t'es du genre un peu brutal au lit? Bon, ça dépend. Enfin, j'aime bien varier les deux, quoi. J'aime, ouais, c'est ça. J'aime, ouais, bien être brutal et puis de temps en temps on est un petit peu sentimental. Voilà, j'aime quand même ma copine, donc ouais, ça soit sentimental aussi, quoi. Ah mais c'est pas ne pas aimer sa copine, oui, que, ouais, d'y aller brutalement, c'est deux, ah, choses, oui, différentes. Elles aiment, ouais, ça aussi les filles. Alors moi je connais du coup, alors je me suis fait un cercle de plan cul, on va dire. un cercle de plan cul qui aime que le brutal. Le brutal. Il y a, ouais, beaucoup de filles qui n'aiment pas le. Donc dès le début c'est brutal. Le mich-mich, et il y a beaucoup de filles aussi qui aiment bien le mich-mich, ouais, le mignon, quoi, le mignon, le bisou dans le cou, quoi. Il y a deux écoles, quoi. Tu fais des bisous sur le nez, tu lèches le nez. Ah, pendant l'amour? Ouais. Moi je parle des fois dans l'oreille. Ouais. Quand j'aime une fille, je peux lui parler. Elle est aussi énervant, quoi. Mais tu dis quoi? Je t'aime. Est-ce que tu fais des. Ah, peut-être, mais je me rends pas compte. Non, mais. Une déclaration. Des... Oh. Ah ouais. Non. Après, je me rends pas compte de ce que je fais quand je fais l'amour, mais je parle, ouais, je t'aime, t'es la plus belle, tu m'excites. Ah ouais. Je le dis, ouais. Truc de canard, quoi. Ah là. Ah, le canard, mais je suis un canard, après je suis un canard hardcore aussi, des fois j'y vais après. Je peux lui dire je t'aime et dans la seconde après, bam, je bourrine. Ah ouais, ouais. Tu peux changer de rythme. De braquet. Ouais, c'est un faux sentimental. Ouais. Ouais. Bah oui, il faut. Ah non, mais c'est important de dire je t'aime. Ah bah oui, si tu l'aimes. Oui, de dire tu m'excites et tout. Si, si, ça peut m'arriver. Non, mais rarement, mais ça peut m'arriver. Si j'aime la fille, je vais pas la priver. Après avoir joué, toi, quand t'es dedans et tout. Ouais, ça le fait. Tout ça, voilà. Tu la serres fort contre toi après. Quand il y a un peu de. Quand t'as ajouté, quoi, ouais, t'as fini. Quand il y a de l'encre. Pardon, je fais ça là. Quand il y a de l'encre. Oh non. Oh là là. Non, c'est chaud. Mais il est horrible. Non, mais Mais lui, elle est sa star. C'est ma star, lui. Hein. C'est pas possible. Tu peux dire oui, j'accepte de me marier avec toi, mon Hugo d'amour, Laetitia. Ah, bravo. C'est magnifique, ça. Eh ben, ouais. Bravo, alors. C'est beau, c'est invité au mariage, alors. Je vais me marier avec toi, mon Hugo d'amour. Salut, Laetitia. Ah, bah, on viendra au mariage avec plaisir. Hein. Félicitations. Une séance SM, ma boss, alors attends, après une séance SM, ma boss s'est invitée boire un café. Elle a voulu voir ma nouvelle tapisserie dans ma chambre. Plug et cagoule pas rangée, mais pas visible. Ouf. Ah ouais. Ah, ça c'est marrant. Moi j'aurais dit non, vous pouvez pas rentrer. Bah c'est oui. Attendez, je range deux secondes, j'ai deux, trois trucs. Ah bah ouais, attends. Attends, mais après une séance SM de quoi? Raconte-nous, bordel. Ah ouais, bah ouais, on va savoir. Et racontez-nous vos vies. Et on se raconte un petit peu tout ça. Attends, c'est intéressant quoi. Et on se raconte les fois, on a fait l'amour. Et donc t'as cassé les tables et les chaises après, c'est ça? Bah du coup en fait ouais, une semaine après on a voulu réessayer quoi, puis on a voulu faire sur une chaise du coup, et puis on a dit on va pas recasser notre table quoi. Et du coup la chaise bah elle a pas tenu non plus quoi. Elle a pas tenu non plus. Et fais le par terre au pire, ouais. Tu casseras rien. Ouais. Bah du coup au final c'est du qu'on a fait quoi. Ouais. On a fini par terre quoi. Ouais mais après par terre c'est pas trop agréable. Ça nique les genoux, ça fait mal. Hein. Attends, ça fait un peu mal aux joues, ça fait ça mal. Ça rapoude. Ouais, c'est froid. Ou alors ils font un tapis. Non, ça et c'est froid. Je trouve ça pas du tout agréable, ouais. De faire la par terre. Nous c'était sur un parking, puis on a mis des coussins quoi. Ouais. On avait géré le truc quoi. Sur un parking? Un parquet? Non, sur un parquet. Ah, parquet, ah ouais, parquet. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Parce que, encore, moi j'ai besoin, je suis genre de mec, moi j'ai besoin d'être confort pour faire l'amour. Ah ouais? Je peux pas être. Ouais, genre, je vais prendre aucun plaisir dans la forêt, la nuit. Ouais. Puis il y a des moustiques. L'hiver, ouais. Quoi, par exemple. Ah, il fait froid, déjà. Moi je suis pas un. Je suis un gros queutard, mais je suis pas un queutard. Je suis pas un aventurier, ouais. de la baise. Un queutard de l'extrême. Non, je suis pas un queutard de l'extrême. Si, c'est quand même. Non, mais en fait, non, je peux. Ça fait des souvenirs avec ta meuf. Ouais, mais en fait, quand tu pécho une belle meuf et tout. Ouais, c'est bah, si t'as envie sur la route. Ah, c'est... Non, on est d'accord, oui, non, mais bien sûr. Pas froid ou chaud. Sur la route, j'ai pas dit dans la forêt. Dans la forêt. Dans les Ardennes, un 5 janvier. Ah oui, non, mais oui. S'arrêter pour aller ken, il y a des mecs qui sont comme ça. Hein. Ah, ouais. Là, faut bander un peu. Viendrai quand sur Toulouse. On va essayer de revenir avec plaisir. C'était génial. On est venu deux fois à Toulouse, c'était exceptionnel. On est venu une fois pour faire l'émission et une fois pour faire le Energy Music Tour. C'était le 14 juillet, justement. Ouais. C'était 370 000, c'était énorme. Ouais, la prairie des filtres. Exactement, la prairie des filtres. Guillaume, changez pas, vous êtes au top. Tu pourrais faire une dédicace pour ma chaîne YouTube Passion Drone. Eh ben salut à toi, énorme Passion Drone. Ouais, si tu veux en parler avec plaisir, hein. Moi j'ai trouvé le sosie de Flo des cadeaux. Ah. Il est chroniqueur sur France 2. Ah ouais, on m'a envoyé c'est une photo, ouais. Sur Twitter, c'est impressionnant. Ouais, ouais c'est vrai. Bientôt la nif de mon fils, une PS4, ça ferait le plus heureux d'ailleurs. Salut Marseillais. Eh ben vous savez quoi, on vous file les PS4. On se fait, comme promis, on avait dit 21 Pilots, on se fait le nouveau Vita. Bye. Bienvenue à Paris, Calvin Harris qui arrivera après aussi. On se cale tous les plus gros hits sur Énergie de 22h à minuit. Et le clash de la semaine, on va en parler. On va retrouver Adrien qui est trans, tu m'entends Adrien? Tu vas nous raconter ça sur Énergie après. Tous les goûts, toutes les envies. Certains à qui tout sourit. Et d'autres qui dorment par terre ici. Entre le Maroc et les Antilles. Sur un fond de rythmique, un free. On se fond dans la masse sur les Champs-Élysées. Les lumières la nuit sont toujours éclairées. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. C'est Paris. On monte à Montmartre avant, on se tape un grec. Y'a des gens sur les marchés, y'a ceux qui les peignent. Des pigeons bourrés par des miettes de bouteilles. Des buveurs de comptoir dans les boîtes à brancher. S'arrête à Boulogne dès que la lune s'est levée. Au-delà du périph', ça trafique normal. Faut bien survivre qui n'a pas la dalle. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. C'est Paris. valent plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, sur Énergie. Et au clash de la semaine qui arrive, là, ça y est, on vient d'avoir Mathieu au téléphone. On va appeler sa maman dans un instant. On va faire croire qu'on est une bande de mafieux, qu'on l'a enlevé, etc. C'est clash en mode mafia. Il y a l'un d'entre vous qui nous a proposé ça sur Twitter l'autre jour, avec le hashtag Guillaume défie la mafia. Du coup, on va prendre un d'entre vous pour lui offrir une PS4, hein, celui qui nous a proposé ce clash-là. Adrien, tu m'entends, Adrien, 19 ans, là? Je t'entends. Ça va, Adrien? Salut. Ça va, toi? Enchanté, poteau. T'appelles du 89, hein, c'est ça? Ouais, du 89. C'est ça. Bon, bah, sois le bienvenu. Alors, tu fais quoi dans la vie, toi, Adrien? Si, je fais rien. Je vais travailler, là. Tu vas travailler, tu vas faire quoi? Je sais pas, ce que je trouverai. Ah ouais, d'accord. Ah, tu cherches un taf dans quel domaine? Tu sais pas du tout? Non, je veux juste avoir de l'argent. Ok, vas-y, bah écoute, hein, bon courage. Hein, c'est si vous cherchez quelqu'un pour bosser dans le 89. Dans Gann, vers Auxerre. Voilà, bah, vous pouvez nous dire par un mail, hein, guillaume@energie.com, et puis on transmet. Hein, parfois, il y a des mecs qui cherchent urgemment. Toi, t'as un diplôme, t'as un truc, non? J'ai pas de diplôme particulier, non. Ouais, mais t'as l'envie d'avoir envie, quoi. Ouais, voilà. T'as un truc qui te pousse, quoi. T'as un truc qui te pousse au cul, quoi. C'est ça. Déjà, t'as déjà un truc qui te poussait au cul, non? C'était jamais arrivé. Non, mais j'ai vu qu'il y avait un mec qui s'est fait opérer parce qu'il avait une queue. Ah oui. T'as pas vu? Exactement. Je sais pas dans quel pays il avait une queue. Mais je pense que c'est fake. Bah alors ça, j'ai vu la vidéo et ils ont montré un mec sur une table d'opération. Pour moi, c'est de la couillasse. Hein. Je vous le dis, je pense que c'est de la merde. Après. Mais enfin, bon, on va pas faire un débat. On va pas redébattre le débat. Non. Mais enfin. Mais bon. C'est de la merde. Voilà. Adrien, qui est là, l'anonyme, du coup. Tu voulais pas dire de quelle ville tu venais exactement? Bah, vous l'avez dit. Non, c'est pas dit. J'ai dit 89. J'ai dit vers une ville, moi. Donc c'est la ville, merde. Il a dit vers Auxerre, mais oui, j'habite à Auxerre. Eh ben, allez Auxerre. Après, c'est grand Auxerre, t'inquiète. Ah bah, représente tous les fans d'Auxerre et tout ça, dédicace. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Bah, moi, vous avez parlé de transgenre, et je suis transgenre, justement. Ouais, t'es transgenre, ouais. Donc t'es d'apparence femme? Je suis d'apparence androgyne pour l'instant, en fait. Ouais, d'accord. Et pour devenir femme, en fait. D'accord, ouais. Je suis en transition. T'es en transition depuis quand? Ça fait 2 mois et demi que je suis sous hormones. Ah ouais, ah, carrément. Donc tu vas basculer, femme, là. Ah putain, ouais, carrément. Putain, oui. T'as pas... Et bah, du coup, tu dois être content, alors, si c'est ce que t'avais envie. Bah trop, mais je vais tout faire, l'opération, tout, en fait, je vais passer complètement de garçon à fille. Ah ouais. T'aimais pas, en fait, être mec. Ouais. Tu vas te faire retirer le pénis, quoi. Ouais. Ouais. Ah. Et je viens de saisir, il veut garder ses boules, il m'a dit. Non, mais je veux pas. Il m'a dit, je m'en vais, mais arrête, c'est sérieux là. Sérieusement. J'ai pas compris. Non. Il m'a dit, je m'en sers quand même une boîte. Pas du tout. Il a pas voulu m'expliquer plus. Tu dois confondre avec un autre mec. Il m'a dit, j'arrive à les rentrer. Je sais pas comment. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais t'as raison, on demande rien. Et comment ils l'ont pris, tes parents? Principal, c'est que toi, tu sois heureux dans ta tête. Je veux dire, on a qu'une vie, faut être comme on a envie d'être, et puis voilà. Exactement. Ma mère, elle l'a pris normal. Elle trouve ça naturel. Depuis que je suis enfant, ça se voit, quoi. Ah, c'est vrai, ouais, t'étais peut-être pas, comme ça dans ta tête, quoi. C'est pas une envie, c'est un besoin, en fait, c'est un peu ça. Ouais. Toi, tu sentais depuis tout petit ton besoin d'être une femme, quoi? Bah, je sentais depuis que j'étais enfant que j'étais une femme. Ah ouais, carrément, ouais. Genre Barbie et tout, tu disais je suis une femme, etc. Et psychologiquement aussi, du coup. Ouais, entièrement, en fait. Comment ça se passe avec... Ouais, pardon, vas-y. C'est juste le corps qui change, hein. Psychologiquement, j'ai toujours été pareil et je changerai jamais. Ouais. Et comment ça se passe avec les potes? Avec les ou les copines, enfin les amis, quoi. Bah, les potes, ils me considèrent. Avant, quand je ressemblais totalement à un garçon, ils me considéraient déjà un peu comme une fille. Genre, ils me considéraient pas comme un pote, quoi. C'était plus une copine. Donc, c'était cool. Et là, aujourd'hui, bah, comme une fille, normal. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et t'as plus de copains ou de copines? J'ai plus de copines. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, t'as des copains. Ouais, en amour, c'est les garçons, du coup. De quoi? Quand tu couches avec des personnes, c'est des garçons. T'es plus avec des mecs ou des filles? Ou des filles. Je couche avec des mecs. Avec des mecs, quoi. Ah ouais. Ouais. Et tu couches avec des genres, des hétéros qui... Ah ouais, des mecs hétéros totalement. Faut savoir qu'il y a des hétéros qui sont très ouverts d'esprit, qui considèrent que le sexe, peu importe comment il est, s'il appartient à une femme, c'est un sexe de femme, donc ça va. Puis il y en a d'autres, tout simplement, qui le voyaient pas, quoi. Ouais. Ah, ça t'est déjà arrivé de te taper des hétéros qui a jamais couché qu'un homme? Ah bah, tout le temps, je baisse pas avec des gays, moi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Putain, c'est dingue. Mais t'as un corps de femme. Ouais. Mais non, il a pas un corps de femme, pas encore. Ça fait 2 mois que tu prends les hormones. Ah ouais, ouais. Et t'as des cheveux longs? Oui. Ouais. Je sais, j'y pose beaucoup de questions. Vous avez remarqué? C'est rare. J'en pose plus, désolé. Ça serait un kiff, toi, je sais, non, pas du tout. Coucher avec une personne transgenre, quoi. Non. Non, ça te... non, franchement, c'est pas mon délire, non. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, Alice Message. Salut, milieu du. J'aime le standard. Non, pas du tout. Ça t'aimerait pas essayer? Comme il dit, il y a beaucoup d'hétéros. Tu vas nous raconter, Adrien, d'accord? Et c'est intriguant, alors, vous bougez pas, on continue les questions. Si vous avez des questions pour Adrien, Guillaume et vos messages aussi, 112 dans ce clash de la semaine après ça. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes.

Non, je l'ai dit à ma mère, en fait, c'est ma mère qui l'a dit. Ah, c'est pas trop malin. Ça, c'est moi. Pourquoi elle l'a dit? Bah, parce qu'elle sait pas tenir sa langue. Ah ouais, juste à lui? De quoi? Juste à lui? Ouais, juste, enfin, je sais pas. Ouais, peut-être qu'elle l'a dit aux autres. Elle l'a pas dit après. Elle va parler, elle va parler. Vous habitez tous chez elle encore ou ils sont tous partis? Ah ouais, j'habite avec ma mère et mon frère. Les trois autres, ils sont à Paris. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ils sont partis bosser, ils bossent dans quoi, tes frères? Il y en a un dans l'électricité et les deux autres dans la ferraille ou je sais pas quoi. Enfin, je m'intéresse pas trop. D'accord, ah ouais. C'est un peu froid ou... Putain, c'est marrant quoi. Et toi, de quoi c'est un peu froid, je sais dire? L'ambiance. La ferraille? Non, bah non. L'ambiance en famille avec les frères. Bah ouais, j'imagine, hein, du coup. Si tu leur as pas dit, c'est que t'es pas très proche d'eux. Quoi. Ouais, voilà. Et, oui. Et ta maman l'a bien pris, tu dis. Et physiquement, et les autres frères, ils l'ont pas vu si t'as changé? Non, ils l'ont pas encore vu. Je les vois très rarement. Mais qu'est-ce que t'as changé physiquement là par rapport à avant? Ben, le visage se féminise avec les hormones. Ouais. Il y a un développement au niveau des seins, et puis la peau plus douce, et puis plein de choses, voilà. Les vêtements et tout ça. Ah ouais, t'as pas de barbe? Non, j'ai de la chance d'avoir un physique déjà, à la base, pas super marqué masculin, donc je passe bien. Ouais, et tu te plais en femme ou pas déjà physiquement là? Tu te trouves mieux? Bah pour l'instant, je me trouve toujours trop mec, hein, c'est un peu normal. Ouais. On verra après. Ouais. Et la voix va changer aussi ou pas? Je vais prendre des cours d'orthophonie. Ah c'est vrai? Ah, c'est où? Ah tu changes tout? Bah oui. Mais comment? Pourquoi prendre des cours d'orthophonie? C'est pas dans les cordes vocales que ça se passe? Je peux faire une opération mais c'est risqué. Mais pour prendre des cours d'orthophonie parce qu'elle va me donner des exercices à faire. Et comme ça je travaillerai ma voix et tout ça. Oh là là putain c'est dingue. Pour la rendre plus aiguë. Putain c'est rigolo comme histoire quand même. Allez tu peux prendre des cours d'orthophonie pour parler un petit peu en fait de manière un peu plus... voilà moi je peux le faire parce que... En fait du coup je fais les pervers alors le mardi je peux le faire tu vois. Ouais. Et non mais moi c'est pour rigoler 30 secondes. Hein. Non mais ouais. Plus moi j'ai une voix un peu cassée donc ça marcherait pas quoi. Et du coup là tu t'habilles genre en mode talon et tout ça? J'ai des talons oui mais pour l'instant c'est plus androgyne parce que j'ai pas envie de me faire remarquer dans la rue quoi. Ouais. T'attends. Ouais tu fais le truc pas à pas quoi. Voilà c'est ça. Ouais tu veux pas arriver du jour au lendemain et puis d'un coup. Ouais. Non. Et tu disais que tu couchais que avec des mecs hétéros alors ça a marqué tout le monde. Ouais. Mais tu les rencontres où ces mecs hétéros parce que toi t'as un physique de garçon pour l'instant encore un peu. Bah j'ai un physique de garçon mais assez androgyne quand même. Ouais. Mais androgyne donc, c'est quoi dire... c'est mi-homme mi-femme. Ouais. Ouais, c'est un homme qui ressemble à une femme. Non, androgyne, jamais androgyne, c'est entre les deux. C'est voilà. Entre les deux, c'est un peu c'est un garçon très efféminé, c'est entre la femme et l'homme, voilà. Mais après le truc c'est que dans ce cas-là ils sont un peu bi quand même, tu me dis qu'ils sont hétéros, ils sont attirés hétéros, quand même c'est par quand les même garçons. Pas très hétéro. Si c'est juste des gars super ouverts d'esprit, super gentils et qui en discutant avec moi arrivent très vite à se dire que oui, je suis une femme, il y a pas de problème. C'est cool puis bon, je fais des efforts avec ma coiffure et tout donc. Ouais, c'est-à-dire tu fais quoi? Bah, je fais une coiffure très féminine pour vraiment. Genre comme quoi? Une queue de cheval? Non, j'ai pas eu cheveux assez longs. Non, un peu court sur le côté et long, un peu bouclé sur l'autre côté. Genre Norman? Ah non, pas du tout. Genre Tony Saint-Laurent? J'essaie de penser à un mec. Genre Julien Perretta, bouclé? Je sais pas à quoi il ressemble. Court sur les côtés, c'est. Ouais, c'est une boule, hein. Julien Perretta, c'est un. Comme les genres de foot. C'est une sucette, hein, le mec. Non, mais là, tu prends des exemples de mecs. Ouais, Kev Adams, avec à l'époque. À l'époque. Ah non, c'est pas si bouclé, moi c'est un bouclage pas naturel, c'est un bouclage fait pour être joli. Ouais, d'accord. Ma femme a percé le gland avec une épingle à nourrice qui lui servait de bouton de pantalon. Ah là oh là. Là. J'ai tout juste de rentrer, salut Guillaume, j'ai tout juste de rentrer de 4 mois d'opération extérieure au Mali d'OPEC. Ça fait du bien de re-rigoler tout seul dans ma voiture et vous écouter. C'est-à-dire, est vraiment intéressé par Adrien, j'ai pas compris. Non, je suis pas intéressé, je pose des questions. Ah oui, c'est. Ah, non, merci. Non, tu l'as vu toi. Mais je m'instruis, ça m'intéresse. Salut, et salut les militaires. On vous embrasse, les copains. C'est fou ça. Ouais, j'aime ça là, il est intéressé aussi. Regardez les questions qu'il fait. Non, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un mec comme ça. C'est intéressant parce que il a dit qu'en fait il couchait avec des garçons. Mais c'est quoi alors la configuration pendant le rapport sexuel? Ah, il veut savoir si tu les prends aussi. Ah non, je me sers pas de ça. Ah ouais. Je m'en sers pas. Tu te sers pas du tout de ton sexe. Donc t'es passif. Bah y a des mecs qui peuvent vouloir le toucher tout ça, mais moi en tout cas je m'en sers pas. Ah ouais. Mais du coup tu te branles pas genre chez toi tout seul? Ah non. En fait les hormones ça coupe toutes les envies de masturbation et tout ça. Ah c'est vrai. Mais du coup tu prends du plaisir quand même dans le lit? Oui. Ouais c'est vrai. Par l'anus? Juste par l'anus du coup? Ouais et puis par le toucher tout ça. Ouais. Les préliminaires. Ah mais du coup tu jouis pas? Non. Ouais. Ah ouais. Si le jour du cul. Et t'as pas un... Bah non tu peux pas jouer. Bah non mais c'est pas con ce qu'il dit. Mais il y a des mecs qui arrivent à avoir un orgasme avec l'anus je crois. Si j'ai entendu parler que tu. C'est une vraie question. Est-ce que les gays vous arrivez à avoir un vrai orgasme avec l'anus? Je crois qu'il y en a qui jouissent avec l'anus. Brocco et Freddy en fait pour qu'ils jouissent. Non mais ça c'est deux choses. Oui c'est deux choses différentes. C'est un doigt dans le cul c'est pas la même chose. Je peux pas jouir du cul de moi. Ça aide. C'est pas ma question là. Il faut comprendre les questions. Je voulais venir voilà. Toi arrêtez les coltos mais enfin. J'ai compris. Toi écoutez quand on parle. Julia, toi qui es bi. Oui. Toi qui es bi, qui aime les femmes, qui aime les hommes. Oui. Tu as déjà une relation sexuelle avec un mec un peu transgenre comme Adrien? Non, non, pas du tout. Et moi, ce que j'aime chez l'homme, c'est l'homme. Et ce que j'aime chez la femme, c'est vraiment la femme. Merci. Pas un truc entre les deux, tout simplement. Mais après, je n'ai pas essayé avec un transgenre. Mais, ouais. Mais non, c'est plutôt des vrais mecs avec ou des vrais trans, meufs. Quoi. Et toi, tu regardes des vidéos porno de trans ou pas, Adrien? Non, bah, je n'ai pas d'envie sexuelle quand je suis seul, en fait. Ouais. C'est vrai? Grâce aux hormones, donc je regarde pas ça. Mais ça sera tout le temps comme ça? Bah, non, une fois que je serai opéré, j'aurai plus l'hormone qui bloque toutes ces envies-là. Donc. Ah ouais. Ça repartira quoi. Ouais. Ah ouais. Attends, mais genre, putain, c'est dingue ça quand même. Il ouais. Y en a un qui dit salut, je suis celui qui t'a envoyé le message tout à l'heure. Courage à Adrien. Vie pour toi, donc il vit pour toi. Je suis trans femme devenue homme et je vais bientôt me marier. Ah ouais. Et ah. En cours d'avoir des enfants avec ma femme et la liberté, c'est la vie. Attends, on peut avoir une. Comment tu peux avoir? T'as pas de sperme? Bah si. Ah bah non. Bah t'as un sexe d'homme. Ah bah oui, je crois pas que ouais. Tu auras du sperme. Bah, trans, je savais pas qu'on aurait du sperme. Il y a peut-être des solutions. Bah je pense si. Ah ouais. En échange de votre liberté, j'ai un son cul. Non, les gars. Non, arrête. Salut Babar. Ouais. Attends, mais ça c'est dingue, ouais. Ouais. T'aimerais avoir des enfants, toi, Adrien? Bah, je peux pas en avoir, donc je me dis que non. Non, mais genre, mettre du sperme de côté, il y en a qui font ça. Ouais, non, mais les mecs, il y a des trans là, qui font ça, ils mettent du sperme dans le congélateur, enfin ouais. Dans un congélateur spécial, et ouais. Puis après ouais, avoir des enfants, quoi, du coup. Ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Si j'ai envie d'en faire plus tard, j'adapterai, hein, c'est pas grave. Ouais, ouais. T'as pas envie d'en avoir à toi quoi. J'aime du standard. Et si tu te fais couper le pénis, tu vas en faire quoi? Ça marche pas comme ça. En fait, le pénis, il le réutilise pour faire un vagin totalement fonctionnel, totalement fonctionnel et puis totalement identique à celui d'une femme biologique. Voilà, il le réutilise quoi. Ah ouais. Il va se mettre derrière l'oreille. J'ai besoin qu'est-ce qu'il en fasse. C'est quoi cette question là, franchement? Il va le mettre à l'intérieur pour retourner la peau et tout ça. Ouais, et que, ouais, mais du coup, t'auras du plaisir par le vagin, pour de vrai? Oui, il y aura un clitoris. Tu vas mouiller ça. Alors? Ouais, mais tu peux mouiller et tout, c'est ouais. Pas con comme question. T'auras un clitoris, je suis pas sûr. Je crois pas qu'il y ait une lubrification naturelle, mais certains chirurgiens arrivent à le faire, je crois. Ouais. Je crois que le mien arrivera à le demande, faire. Demande, hein, ouais, t'auras une peau, au pire, t'auras un pot de vaseline. Quoi. Bah, imagine, tu deviens femme pour voilà. Un pot de vasouche, quoi. Ouais. Et salut, j'ai un stagiaire, me pécho. Non. Je pète le cul, j'ai un stagiaire tellement. C'est quoi ces messages? Du coup, quand il fait l'amour, il ressent les sensations que ressent une femme ou pas? Il y en a qui demandent, là. Pas encore, du coup, là. C'est encore une bite. Avec les hormones à l'intérieur, tu ressens tout comme une femme, que ce soit les émotions, la personnalité ou même dans les rapports, c'est différent ouais. Quand même. Ah, tu sens la différence, quoi. Ouais. Ça donne envie d'essayer une journée, c'est pour ouais, voir. Ouais, mais t'auras les règles, ouais, moi. C'est oui. Ça d'être une femme. C'est mon rêve, moi. J'essaie. Par une femme. T'as vraiment fait ça. C'est la seule de l'équipe. C'est la seule de l'équipe qui dit ça, quoi. Elle est bisexuelle. Avoir un pénis pour voir ce que c'est que se branler et tout. Ouais. Marrant, quoi. Bah, prends-en pas non, que c'est ça. C'est pas parce que. Prends-toi un mec que au pire. Toutes les filles, non, il y a toutes les filles n'ont pas envie d'essayer d'avoir un pénis. Ah ouais, bah. Nous, on fait bien vagin des fois, non. Tu vois. C'est pareil. Moi, je demande non, régulièrement. Ah ouais. Et ça peut me faire. Tu sais, dans les soirées et tout, il y a plein de. Et non, jamais. Tu fais pas dessin, toi, Guillaume? Ou alors les copines bi, quoi. Ah ouais? Il y a un petit côté un peu, j'ai envie de prendre une fille, quoi. Ouais, ouais. T'as jamais porté un goût de ceinture pour voir ce que ça faisait déjà avec une meuf? Pas ceinture, mais si. Ouais, non, mais c'est pas pareil. Ouais, tu le mets comme ça, tu fais un goût de ceinture, c'est comme une vraie bite. C'est pas pareil, ouais. Non, est-ce que là, tu peux la tenir à demain quoi? Ouais, c'est peut-être ça qu'il faut avec ça. On va te l'offrir pour Noël. Ah ouais. Ah, merci. Il y a Noël dans deux mois. On pense à toi, ah, donc. J'ai il a pas à prendre des hormones de femme, il les a déjà. Non, bah, il a déjà la gueule fine à fusée aérodynamique. Mais arrête, ça c'est méchant, on n'attaque pas le physique. Ah, il est vexé. Salut Mika, salut. Non mais c'est vrai, il le prend mal qu'on lui dise. Mais là, mais le physique, c'est, ouais, je suis né comme ça. Il y en a un qui dit. C'est comme attaquer les gens parce qu'ils ont un accent, ils sont d'origine, c'est pareil. Il commence à. Il y a personne qui me défend, donc. Je vais créer une association pour la défense. C'est le mec qui fait la gueule le plus des autres. Non mais non, direct. Je suis moqueur gentil, vous le savez. J'aime du standard. Il arrête pas de se foutre de ma gueule avec mon grand nez. Et dès que ça me prend à lui, t'as un grand nez. Et mais alors, moi aussi, je m'arrête pas, donc il faut pas. Non mais là, c'est l'acharnement. Ah non. J'ai mal dormi. Ça charme. Non, attends. Un physique fuselé, je vais dire quoi. Non. Le mot fuselé, il sort d'où? Va voir ce que ça veut dire déjà. Non, c'est comme les voitures, tu ressembles un peu à une Ferrari, c'est ça qui ouais, veut dire. Ah ouais, bah, je suis une voiture. Tu ressembles un peu à une Formule 1, je sais. Ouais. Le compliment de la soirée. Attends, aérodynamique. Attends, mais bien sûr, j'ai une tête normale. Tu prends mieux le vent que les autres. Ah bah oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai le rhume ce soir. C'est pour ça que je suis malade. J'ai un stagiaire, il a pas à prendre des hormones. Bon bah merci beaucoup. On lui a dit. Je transmets les messages. Il l'a mal pris, voilà. J'ai un stagiaire, se trompe souvent de sens avec le gosse. Elle est forte celle-là. Ah, non, non, non, non, non. Si. Non, moi, je suis pas habillé pour autant. J'aimerais bien avoir un pénis pour voir comment c'est de se branler. Gros bisous, Guillaume, je t'aime. Salut à toi, monsieur. Je t'embrasse. Regarde sur YouTube, il y a des vidéos d'une opération transformation d'une bite en vagin. C'est un truc de ouf. Salut, Joanne du 5-8. Mais je vais pas voir ça, moi. Je pense que ça me dégoûte du sexe en général. Ouais. Bon, après, je pense pas. Les trucs, c'est comme le jour où j'aurai une femme qui accouchera, bah, je ne regarderai pas l'accouchement. J'ai peur d'être dégoûté. Ah ouais, ouais, il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont dégoûtés après par la femme et plus excités en ayant vu le truc. Bah, après, ouais. J'ai déjà, toi, regarder, assister comme ça à un truc. Est-ce que t'as déjà regardé ton mec chier, par exemple? Non, mais les règles de meuf, ça dégoûte un peu, franchement. Les règles de meuf, ouais. Genre, elle a, elle a les règles le samedi et le dimanche, t'y vas. Genre, ouais. C'est vrai. Il y avait le sang avant, bon. Parfois, c'est un goût de sang, un peu. De fer, ouais. Ouais, de fer. Ouais. Ouais, ouais. Tu mets la langue dans la mulette et t'as l'impression de lécher un enjoliveur, quoi. C'est bien. Un peu ce sentiment. Mais t'y vas quand même parce que t'as rien. Ouais, exactement. Oui, non, mais bien sûr, mais bon. Quand même, ces sentiments un peu chelou, quoi. C'est vrai. Bon, et 23h08, on va se faire le clash de la semaine dans 2 minutes. Vous êtes hyper nombreux à nous demander de le faire. On va faire un Mathieu qui va appeler sa mère. On vous file des FIFA 17. On a des FIFA 17. Ouais, on en a guère, ouais. Bon, je file un FIFA 17. Vous savez quoi? On va faire un truc différent. On a un dernier carton à filer. On a plein de trucs. Flo des cadeaux. Ouais. Tu vas prendre ton chronomètre, là. Ok. Il est 23h09. Allez-y, on va faire un tirage au sort dans 1 minute parmi tous les messages qu'il y aura. On va pas durer 20 minutes, les gars, vraiment 1 minute. Guillaume, un espace et votre message au 611-12. On fait un tirage au sort. Vous envoyez Guillaume, un espace FIFA. Guillaume, par texto, un espace FIFA, FIFA, avec votre numéro de téléphone dedans au 611-12, comme chaque soir. Hein, c'est le même numéro, sauf qu'il faut marquer FIFA dedans pour que je le vois. Guillaume, un espace FIFA et votre numéro au 611-12. Flo des cadeaux, t'as 1 minute. Dans 1 minute top, oh, tout pile. Dans okay. 1 minute top, tu vas t'arrêter le truc, d'accord? Et on prend un gagnant, on en prend plein hors antenne aussi pour vous filer les FIFA. On en a plein hein, pour PS4. Les gars, on fait une distribution sur la carte. On peut arroser toute la Gironde là, donc vous voyez. Julien a déjà son pénis retourné pour s'auto-sodome. N'importe quoi. Non, tu as pas de sperme, mais l'insémination permet d'avoir des enfants. Malheureusement, tu peux pas éjaculer car l'État oblige d'être stérile pour obtenir une identité. J'ai pas compris. Ah ouais? Ah oui, pour changer de sexe en fait, c'est ça, Adrien? En fait, quand tu changes de sexe pour changer ton nom sur les papiers, enfin, tu dois avoir changé de sexe pour ça. Ah oui, d'accord. Pour avoir ton nom vrai, ton vrai nom sur les papiers. Ah, parce que là, tu veux changer de nom, toi, du coup, là, toi qui es trans. De prénom, ouais. Bah oui, je veux devenir une femme, quoi. Ah oui, c'est ça. Adrien, tu t'appelles Adrien, comment tu veux t'appeler? Je m'appelle Jade. Jade, ah d'accord. Ah, c'est mignon, Jade. Ouais. Ah oui, c'est toi qui as choisi ou c'est ta mère? Est-ce que t'as demandé à ta mère de te choisir un prénom? C'est ta mère? C'est ma mère qui l'a choisi directement, naturellement. Jade. Ça, c'est mignon, c'est chou. Et ben ça, voilà, t'as renommé, exactement. Voilà. C'est toi qui lui as demandé? Vous en avez parlé? Non. En fait, le soir même où je lui ai dit, elle a directement dit « Ah ben moi j'aime bien Jade comme prénom ». Puis voilà, c'est venu comme ça. Putain, elle est cool. Comme ça, elle aura une fille du coup. Ouais. Ah, exactement, elle aura 4 garçons et une fille. C'est bien. C'est vachement bien. Ouais. Flo des cadeaux. Il y a 1 minute qui s'est écoulée. Ah, très bien. Eh ben voilà, allez-y. On va vous laisser 10 secondes encore. Guillaume et FIFA avec votre numéro au 612. Allez-y par message. Guillaume, un espace et FIFA avec votre numéro de téléphone au 612. On va prendre, attention, dans 10 secondes, 9 secondes, 8. Allez-y, vite, vite, vite, jouez. Comme ça, on va prendre des gagnants. Là. Guillaume, un espace, FIFA. Avec votre numéro au 612, le jeu FIFA 17, on vous le file maintenant, il est sorti de nouveau. Ok. Je vais lui faire un cadeau pour des potes ou quoi, ouais, ça marche vraiment. Oui. Guillaume, énorme, un espace FIFA, FIFA, avec votre numéro là, au 6, 11, 12, allez encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et top, on appuie sur le bouton. J'en sors un tout de suite. On va en sortir plein hors antenne. La Flo des cadeaux va appeler tout le monde. C'est parti, ça a sonné. On offre un petit FIFA. On va parler un petit peu des fois. Justement, on a fait l'amour. Il t'est déjà arrivé une galère après avoir fait l'amour, Adrien? Tu vas nous raconter là. Okay. Attends, allô? Ouais. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, bien quoi. Quel prénom? Quel blaze? Geoffrey. Vas-y, bonjour. Salut, Joe. Ça, Joe de où? De Saint-Dié. De Saint-Dié? Bah, représente. Dans les Vosges. Les Vosges. Vas-y, hein, bienvenue, hein, représente le 8-8. Ouais, hein, c'est ça. C'est un plaisir. Joe de Saint-Dié, t'as quel âge, Joe? 21 ans. 21 ans, tu fais quoi dans la vie? Non, 29. 29, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis boulanger, je suis au taf. Là. Ah, énorme. Quelle boulangerie? Je vous écoute tous les soirs, en fait. Merci. Énorme. Merci. Mais je tape l'énergie toute la nuit. Ah, c'est gentil, quelle boulangerie? Quelle boulangerie? Sainte-Marguerite. Ah, bah très bien. Et bah, s'il y en a qui sont là-bas, c'est à toi ou t'es dedans? Non. Oui. Eh ben très bien, eh ben en tout cas félicitations. Et je t'envoie le FIFA 17 demain matin, d'accord? Ben nickel. Ok, vas-y, je te fais ça demain matin. FIFA, enfin je fais ça lundi matin, pardon. Ouais. Parce que les colis partent pas le samedi à énergie, mais je t'envoie lundi matin, PS4, FIFA tranquille, et puis tu reçois à la maison. T'as vu que ça marche pour de vrai, hein, mon con? Ouais, bah ouais, nickel. Bah, je joue souvent, bah, comme quoi. C'est quoi ton prénom? Geoffrey. Geoffrey, Joe. Parce que j'ai marqué Joe et j'ai eu un doute, c'était Geoffrey ou Jocelyn. J'ai eu 2 secondes de doute. Eh ben vas-y, hein. Depuis quand tu connais l'émission de Joe? ça fait deux ans à peu près. Et t'étais jamais passé à l'antenne? Je l'avais vu sur YouTube en fait avant. Ah, t'as découvert sur YouTube? Je l'écoutais pas. Ouais. Ouais. Et maintenant que je suis de nuit, du coup je vous écoute. Eh ben voilà, prévenez les autres à 22h minuit si jamais un jour vous allez travailler nuit, on se retrouve là les gars. À la première radio de France. Vous étiez à 22h maintenant, c'est mieux quand même avant. Hein. Pourquoi? Vous vous entendez un peu plus. Ah ben, vous étiez plus tard. Ah ouais, avant c'était minuit 3h. Ouais, au début. Ouais, c'est clair. C'était des très très bonnes années. Hein. Ah ouais. Non, vraiment. Et là, non, mais je peux vous dire. Ça sera toujours des bonnes. Exactement ce que j'allais dire. Je suis toujours dans des années exceptionnelles. Je sais que je vis mes moments de radio. Il faut s'amuser. On arrive à la radio, on se marre, on parle à la radio, on se marre. On se marre à longueur. Ah, c'est vrai? Ah, c'est gentil. On est Franchement. Bah, c'est exactement ce qu'on a envie de donner parce qu'on se sent vraiment chez nous. Hein. Ouais. On se sent chez nous partout, c'est ça le problème. On est un petit peu trop à l'aise parfois quand on est chez nous. Alors, genre, j'ai un stagiaire, lui, se met nu dès qu'il est quelque part. Non, pas nu, mais j'aime bien parler aux gens. Ouais. Non, c'est énorme. Et en tout cas, t'as une gonzesse, t'es marié, t'es quoi toi? Ouais, je sais que ma femme, ça fait 8 ans. Ah putain, c'est bien. Marié, bravo. Oh là là. Non, pas marié. Ah. Monsieur, dis donc. Pas marié encore. Tu veux des enfants? T'as des enfants? Il y en a pas? Non, on n'en a pas encore. D'accord. T'as 8 ans, c'est bien. Ouais. Et t'as envie d'en avoir ou pas vraiment? Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Ouais. Beaucoup? Non, peut-être pas quand même. Ouais, un ou deux, quoi. Quelques-uns. Un déjà, ce serait déjà bien. Un Morbac, deux Morbac. Ouais. Vous voulez beaucoup d'enfants, James? Tu as beaucoup d'enfants? Franchement, non. Dans la vie, c'est vrai. Ouais. Il n'est pas paternel. Non, mais si. Mais attends, je t'explique. En fait, c'est que tous mes potes, ça y est, ils ont beaucoup d'enfants. J'ai un pote, il a mon âge, il a 4 enfants. Ouais. Ça court tout le temps partout, c'est chaud. Non, mais faut avoir envie. Voilà, faut avoir envie. Faut avoir du temps. Ouais, aussi. Parce que 4 enfants, tu ne dors plus, t'as pas de nombre, etc. Je sais déjà, est-ce que tu veux beaucoup d'enfants? Est-ce que tu veux une grosse famille? Bah, j'en ai pas une, moi, une grosse famille, donc ouais. Pourquoi pas envie? Pas le mariage, mais des enfants. Ouais. T'as envie de faire Noël avec. Ouais, c'est combien, ça, combien 3-4, j'aime bien. Ah oui. Ouais, filles, garçons, tout le monde se mélange. Ah oui, d'accord. Ouais. On verra. Se mélange, ça fait peur. Les deux sexes, quoi. Ouais. Ah, ouais. Ils ont de parler. Façon de parler, t'as compris. Non, ouais, un petit peu de tout, quoi. On peut dire une connerie à tout moment. Tu sais qu'à tout moment, il peut arrêter sa carrière. Ah, ça va. Attends, pas loin de là. Mais non, mais non. Ta dernière phrase. Julia, tu veux des enfants? Ouais, 4 enfants, ouais, ça me plairait. 4 gosses, ah bah ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais. Non, c'est bien, 4 enfants. Mais comment tu fais si t'es en couple avec une fille? Bah, on se pose la question, mais il y aura des inséminations artificielles. Ah ouais, ouais, d'accord. Madame, ça, ouais. Moi, j'ai une copine qui est célibataire et qui s'est fait inséminer, qui est hétéro. Et qui n'avait pas de mec et qui s'est fait inséminer. Elle veut pas en trouver. Et non, je te jure, elle en avait marre, elle en voulait un cette année-là. Elle s'est fait inséminer, s'est fait son gosse. Et elle est magnifique, comme cette petite fille et tout, c'est bizarre. Hein. Et après, bon, elle est heureuse. Et puis voilà, elle trouvait pas de mec, elle avait peur d'être trop tard après. Ouais, elle s'est dit, bon, allez, j'en fais quoi. Enfin, c'est une copine, mais qui est plus âgée que moi, quoi, rien à voir. Et donc elle a pu choisir le mec. Et c'est soit ça, soit j'en aurais jamais. Elle a pu choisir. Je trouve pas de mec cette année et tout. Elle avait 41 ou quelques. Et après, pour une femme, ça devient un peu dangereux, quoi. Elle peut plus. Elle s'est dit, comme ça, c'est fait, puis je l'aurai, quoi. Moi j'aimerais bien en avoir deux. Ah ouais? Un gars et une fille, ouais. Ah ouais? T'aimerais bien? J'ai aucune fille dans ma famille donc j'aimerais bien en avoir une. Ouais. T'as aucune fille dans ta famille? Non. Ouais. Bah ta mère forcément, non? Tous mes cousins, j'ai que des cousins, j'ai que des frères. T'as c'est chiant les réunions de famille. Ah ouais? Ouais. T'as ça dans rendez-vous dans les bars. bar de hooligan quoi. T'as, c'est énorme. Bon, hey, 23h16, on se fait le clash de la semaine dans 2 minutes. Hey, mon Joe, tu veux faire une dédicace encore? T'as pensé à un truc qui t'a oublié? Juste à ma femme, je fais une grosse dédicace à ma femme. Comment s'appelle? C'est tout. Sandra. Comment? Sandra. Sandra, ah. Là, t'es dans la boulangerie, là, t'es derrière. Ouais, je suis au taf, ouais. Putain, c'est énorme. Et elle s'appelle Sainte-Marguerite, c'est ça? Ouais. C'est la ville ou c'est la boulangerie? Non, c'est la ville. C'est la ville. Sainte-Marguerite. Et comment s'appelle la boulange? Au délice de Quentin, ah, voilà. Ça s'appelle Quentin, pas vrai? Eh ben, salut. Il est sympa, le. Non, c'est son fils. Ah, d'accord. Ah, c'est Junior. Il est sympa ou pas? Ouais. Ouais, ça va? Ok. Ouais, nickel. Bon, très bien. Bon, c'est un petit ouais. Bon courage. Non, mais t'as raison. Hey, on est à 1,5 million, ne dis pas de conneries. Non, mais en plus, c'est sympa. Non, mais on t'embrasse, frérot. Faut se mettre dans la. Gros bisous à toi. Bisous. Ouais, ben merci à vous. Bonne soirée. Bon courage, bisous. Salut. À bientôt. Salut. Félicitations. Ciao. Et bouge, raccroche pas, je te passe Julien. Il va prendre ton adresse dans 2 minutes. T'inquiète. On file les cadeaux. Ok, on se fait le clash de la semaine. Adrien, toi qui es transgenre, comment ça s'est passé la première fois que t'as fait l'amour avec un. T'as jamais couché avec une fille, du coup? Ah non, jamais. Ouais. Mais j'essayerai un jour. Ah, c'est vrai? Ouais, ça me déplaît pas. Ah, tu t'es dit pour voir un peu ce que c'est, tout ça? Ouais, en soirée, enfin après une soirée, tout ça, ça peut être bon délire. Ouais. Une fille bi, du coup? Bah non, j'aurais plus de sexe. Ouais, lesbienne, avant l'opération. Ouais. Oui, donc une fille bi. Une fille gay. Ah oui, quoi. Ah oui, oui. Oui, c'est ce que je disais, quoi. J'ai une fille bi, c'est une fille qui aime les femmes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ah, c'est ça, en tant que femme, donc une fille qui aime les femmes. Femme et femme, ouais. Voilà. Et la première fois que t'as couché avec un homme, comment tu l'as trouvé, genre? Bah, c'était bizarre. Ouais. Ouais, forcément, la première fois, c'est pas toujours... Ça doit faire mal, hein. Ouais. C'est dingue. Ouais, mais comment tu l'as trouvé? Je sais déjà, il met des phrases. Mais non, mais malheureusement, mais on pense tous la même chose. Ah, ouais, il est gênant. Ah, c'est ça, ouais. Bah, moi, Attends, et donc. Il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Non, mais non. Dès que je pose trop de questions. Non, mais depuis qu'il a mis un pull de la classe, il se sent plus pissé. Ah, ouais. Il me coupe la parole, il râle. Je râle pas. Il sent bourgeoise. C'est déjà. Exactement. Non, attends, sans bourgeoise. C'est pas un pull qui va manquer. Il y a un pull de la Coste à Noël depuis le mec tout seul. Il porte la poisse, ce pull de merde. Je vais brûler ce soir. Attends, et donc, alors attends, non mais c'est vrai, ça doit faire mal, mais on va en parler après. Je, c'est-à-dire, on y va doucement. Crescendo, ouais. Pardon. Je me demande comment ça s'est passé pour un mois. Boum, d'abord, le cul, ça fait mal. Pardon, Adrien, vas-y doucement. Je me tais. Oui. Excuse-le, parfois il est pas très. Oui, je suis un peu. Il est pas délicat. Je suis un peu brutal. C'est pas un homme. Il est incontrôlable. Ouais. Merci, James Sander. Parfois j'ai honte de mon équipe. Et comment ça se passe le premier que t'as trouvé? C'était un hétéro? C'était un gay? C'était quoi? Le tout premier, c'était un gay. Ouais. Parce que j'étais encore un mec et ça m'a fait bizarre parce que justement, on se comportait comme des gays. Mais le problème, c'est que moi, bah, j'avais un truc qui clochait. Je suis pas gay, tu vois. Je suis une fille à la base. Ouais. Donc du coup, être considéré comme un guest, j'ai eu beaucoup de mal. Ah ouais, c'est vrai. Pendant longtemps après, j'ai plus rien voulu faire, j'étais vraiment asexué. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais. Ouais. Attends, et c'est à quel âge t'as fait ta première fois? Ma première fois, c'était à 15 ans. À 15 ans, ouais. Avec un mec que t'avais rencontré où, au Bahut? Comment ça se passe quand on est... C'était un pote dans mon village. D'accord, et tu sentais qu'il était gay, le mec? Ouais. Ouais. Il était bi, au moins bi. Ah oui, il était bi, ouais. J'aime bien, tu t'es déjà fait draguer comme ça à 15 ans par une du village. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que tu rigoles. Non, pas du tout, parce que c'est le pull de Justin. Oh. Je suis désolé, j'enlève. Il a un pull, les amis. C'est un pull bleu. Il a un pull d'autres tons. Ouais. Ouais. On dirait un pull que t'achètes. Ça, ouais. T'achètes dans les fripes. Moi, j'achète beaucoup de choses dans les fripes, mais le pull qui a vraiment beaucoup trop servi pour être remis dans les fripes. Faut qu'il le tire souvent, là, vous l'agressez. Attends, je vais l'enlever, je vais être franchi. C'est pour ça que j'ai rigolé. Non, Jim n'a jamais dragué à 15 ans par un mec. Tu t'es jamais laissé embrasser par un mec à 15 ans. Non. Par contre, après, dans des bars, c'est déjà arrivé que des gays me draguent. Ouais, tu peux te faire un peu draguer comme ça, quoi. Ouais. On te prend pour un gay, souvent, Jim Sander, ça t'arrive? Non, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais. Il a un peu un petit air, Jim Sander. Ouais, mais ça plaît aux femmes. Il est un peu au marais. La coupe de cheveux. C'est vrai, la coupe de cheveux. On est d'accord. Ouais, mais ça plaît aux femmes. C'est la coupe de cheveux. Ta nouvelle coupe de cheveux fait un petit peu plus gay, mais c'est pas grave, ça te donne un air distingué. Tu sais, tu savais? Je le sais, ouais. C'est vrai? Tu fais exprès? Non. Pourquoi tu me fais? Ouais. Faire genre, non, on te drague un petit peu, non? Non, ça fait longtemps que ça me paraît. Julia, toi qui es bi et qui traîne un peu dans le milieu gay et tout, t'avais remarqué que sa coupe faisait un peu plus efféminée qu'avant? Ouais, un petit peu, c'est rasé sur les côtés, donc forcément c'est un peu plus distingué, quoi. Ouais mais ça fait un petit peu plus court sur les côtés. Non, ça, tu fais un petit peu plus légère qu'avant. Un peu, ouais, mais pourtant j'ai pas bougé. Non, c'est vrai, hein, non, mais attends, c'est pas grave. Un peu précieux. Salut, bonsoir à toi, vous offrez des cadeaux. On en offre, hors antenne, les gars, et restez près du téléphone, la flotte des cadeaux en train d'en appeler. Je remonte le micro là, voilà, et il vous rappelle aussi même pendant les pubs et tout, donc on offre le petit carton, fini le carton de FIFA. Ok. Bon, il y en a qui en veulent, il n'y a pas de problème. On vous les file maintenant. J'ai mis ma femme enceinte malgré la pilule. Ça fait 18 mois qu'on a une petite puce et c'est que du bonheur. Sperme de compétition, les gars. C'est une winneuse, ma fille. Salut les mecs. Salut. Bonsoir. Bon, allez, vous bougez pas, les mecs. Il est 23h21. On se fait le clash de la semaine juste après ça. On parle de cul. Vous gagnez sur le pack énergie Apple Lady Gaga. Ah bon ? Avec le tout dernier iPhone plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec deux hits de Lady Gaga. À la suite, soyez les premiers à appeler énergie 3937. Et vous gagnez le pack énergie Apple Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad Air 2. Pop, R&B, dance. Ici, c'est Energy. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Eh, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Leclerc. En ce moment, chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, le smartphone ailleurs. Écran 4 pouces et demi, 4 gigas, double SIM, compatible avec tous les opérateurs, est à 39,99€. Mais non. Ah si. Du 4 au 8 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le smartphone G30 bleu ailleurs est à 39,99€, dont 1 centime d'éco-participation. Voir modalités dans les magasins participants et détails concernant le DAS sur le site i-tech.leclerc. L'usage d'un kit main libre est recommandé. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Vous rêvez d'être DJ Pro, rejoignez l'un des 5

Alors je fais Woto D1 Pilots maintenant, Raid, et juste après Clash de la semaine, Mathieu qui va énerver sa mère Noël, ça va être énorme sur Énergie. C'est le prénom de sa mère Noël. Noël c'est le prénom et c'est sa maman quoi. Elle va faire croire que une famille de mafieux, on va l'énerver après. Sur Énergie, bonne nuit les mecs. 23h27, on est en direct, Guillaume Radio 2.0. Ok. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Et du foot un soir d'ailleurs, 23h30 en direct, tu sais déjà, il y a du foot. Ouais, la France a battu la Bulgarie 4-1. Pour ceux qui suivent les matchs. Encore meilleur. Ok. Encore plus fort. Fort. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, sur Énergie, bonne soirée les mecs, Guillaume Radio 2.0. On est là en direct avec 22h minuit comme chaque soir. Et il y a le clash comme chaque soir. Ouais. Non, il y a le clash de la semaine ce soir. Et clash exceptionnel en mode mafia. Ouais. Ah. Avec Mathieu. Bonsoir Mathieu de PC. Salut Mathieu. Salut. C'est qui le papa? C'est qui le papa? Vous allez bien? Allô. Ça va ou quoi Mathieu? Enchanté Mathieu. Oui ça va, enchanté. Merci du coup de fil, 15 ans dans le 80 représente. La Somme, la Picardie. Salut la Mathieu Picardie. Qui veut faire de la radio, c'est ça? Il y a marqué sur ta fiche. Oui, très bien, c'est ça. Et bah alors vas-y raconte. Alors moi donc j'essaie de trouver certains stages à faire et depuis que j'ai 9 ans j'aimerais aller faire de la radio en fait, aller dans une radio. D'accord. Et donc là je vais bientôt aller rentrer dans l'école Studio M qui se trouve à Montpellier. D'accord. Pour faire des études et ensuite rentrer dans une radio voilà qui pourrait me prendre et voilà. C'est bon ça. Ah c'est cool. Ouais. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est la même école que j'ai faite moi, ouais. Mathieu. C'est la famille quoi. Ah. Ah bah c'est trop bien. Alors, est-ce que c'est une demande de stage déguisé? Voilà. Ah, mais vas-y avec plaisir Mathieu, avec plaisir. Dès que t'as 18 ans, t'es le bienvenu, hein. Dans 3 ans tu pourras venir en stage. Bah oui, ouais, on t'attend. Non, je rigole, je rigole. Hein, c'est pour rigoler. Comme vous tous, hein, si vous voulez venir, nous on est vraiment. On est l'accueil, on est au petit bonheur le stage, nous. Ouais. Mathieu de Pissy, là. On va énerver ta maman, on fait un clash avec ta maman qui s'appelle oui. Noël. Elle fait quoi là, dans ta vie la maman? Alors, pour l'instant, elle est en congé parental, ouais. Mais avant, elle était caissière. D'accord, t'as eu un petit frère? J'en ai deux. D'accord, ok. Putain, c'est trop bien. Voilà. Eh ben, écoute, c'est plaisir. On y va. Maintenant, Mathieu, on va faire croire à ta maman que t'as été enlevé par des mafieux parce que t'as volé. En fait, t'aurais accepté de transporter une valise avec des potes contre de l'argent, sauf que t'aurais pris de l'argent en fait dans cette valise là, qui appartient aux mafieux. Les mafieux t'ont attrapé. Ils sont pas ok, on va faire croire à ta mère qu'on te tient et on va faire genre on exécute des animaux et tout, genre on est vénère quoi. Ouais, la mafia quoi. Genre okay, la mafia ripoux quoi, tu vois, la mafia bas de gamme. Ok, allez, c'est parti, on y va, on fait le numéro et dès que ta mère répond, c'est à toi, d'accord, man? Bonne chance. Ok, allez. Ça va. C'est parti pour le clash de la semaine, 22h minuit, hein, le vendredi soir aussi, du lundi au vendredi. Maintenant, prévenez les autres, hein, les gars, si vous découvrez l'émission aujourd'hui, c'est Guillaume Radio 2.0. J'appelle Guillaume avec donc Julien Stagiaire dans l'équipe. Ouais, je suis là, salut. JM du Standard. Ouais, bonsoir à tous. Il y a Julia qui est là. Salut à tous. Et Flo des Cadeaux. Ouais, salut tout le monde. Putain, on dirait une présentation des années 80. La musique derrière. Allez, vas-y, ça sonne. Dès que ça répond, c'est à toi, Mathieu. Allô? Oui, allô, maman? Oui? Ouais. C'est moi, ça va? Bah non, ça va pas, qu'est-ce que tu fous? Bah, je suis quelque part, mais attends, je vais t'expliquer. D'abord, je suis stressé dans ma voix, mais c'est parce que je suis en panique, là. Tu vois, j'ai rencontré plusieurs potes, tu vois, à mon lycée. Il y a un de mes potes en fait qui m'a demandé d'emmener une valise quelque part. Il m'a dit de pas regarder dans la valise, donc je savais pas du tout ce que c'était. Et c'était de mon lycée jusqu'à la mairie, donc je suis allé à la mairie et tout. Et en fait, j'ai rencontré des gars là-bas. Au départ, un gars qui m'a dit viens et tout, c'est pour nous la valise. En fait, ils m'ont fait rentrer dans une pièce et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens en fait qui, bah, en gros, qui vendaient de la drogue, un peu des mafieux quoi, tu vois. Oh putain, mais c'est pas possible. Et tu vois, et du coup, ils ont ouvert la valise. Mais c'est où et là tout, et, bah là, je suis encore sur Amiens et tout. J'ai pas pu prendre c'est mon car et tout, et je suis encore sur Amiens. C'est quoi ça? Comment? Tu rigoles quoi? C'est quoi ça? Non, c'est les gars qui tirent à côté de moi, je suis en stress là. Mais tu rigoles? Attends, t'es où là? Maman. Mais t'es où là? Bah là, je suis encore à Amiens, mais après ils m'ont mis un truc sur la tête et tout, on est allé ailleurs, mais je crois qu'on est encore sur Amiens, je sais pas du tout où on est. Et du coup, ils m'ont pris avec eux, et ils menacent et tout. Parce qu'en fait, dans la valise, il manquait 3000 euros. Et du coup, ils croient que c'est moi qui n'a pas donné tout l'argent et tout. Et du coup, ils menacent et tout. Et je flippe, là. Ah, oh, mais putain, ma fille, merde, je suis fier à faire tes conneries comme ça, hein, merde. Putain. Mais planque-toi. Mais planque-moi, mais je peux pas, je suis attaché. Mathieu, il est où le gamin? Attends, ils arrivent. C'est quoi ça? C'est quoi ce carré? Mathieu, j'arrive. Mathieu, attends, ils arrivent. Mais c'est quoi ce carré? Mathieu, pourquoi t'as pas les Mathieu, t'as pas ramené l'argent? Oh, je vais te mettre une patate dans la gueule. Elle est où l'argent? Noël, Mathieu. Mais j'ai pas l'argent, c'est pas moi. Je vais te mettre une patate dans ta gueule. Mathieu. Dans ta gueule. Mathieu. T'as Mathieu. Qui au téléphone? Attends, y'a qui dans le téléphone là? Mathieu. Ah, allô. Mathieu. Vous êtes qui? T'es qui toi? Je suis sa mère. Écoute-moi bien, Poufias. Oh, déjà tu vas me parler autrement toi. Dis-moi où t'es, je vais venir te voir, tu vas voir. Écoute-moi, Poufias. Putain, dis-moi où t'es, je viens te voir tout de suite, toi. Quand je parle. Tu touches un cheveu de mon gamin, je te jure que je t'éclate la gueule, c'est clair? C'est ça dans sa gueule, c'est clair aussi. Oh. T'entends ça? Putain. Ah, celle-là, elle est pas sur lui, là. Peut-être la prochaine. Ouais. Écoute-moi bien, ton fils de pute de fils, là, il a pris la valise, ouais, il a pris 3000 balles dedans. Pute, puis tout ce que tu veux, ouais, c'est ça, ouais. Il a pris 3000 balles à l'intérieur. Bah t'as qu'à me dire où je suis, je vais venir te les amener, comme ça je vais te péter la gueule aussi. Je sais pas de quelle famille vous êtes, je sais pas qui vous êtes. Mais je peux te dire un truc. Bah moi non plus, non, je sais pas qui c'est, mais en tout cas ce que tu sais, je suis pas bien clair. Je te dis que c'est moi qui parle. Ouais, c'est ça, toi aussi ferme ta gueule. J'ai jamais dit que j'étais clair, moi. Tu verras. Ouais, bah ça c'est sûr. Dis-lui à quoi je ressemble, Mathieu. Dis-lui à quoi je ressemble. T'expliques à ta connasse de mère qu'elle comprenne qui je suis là. Il a des cicatrices partout. Mathieu. Il a des cicatrices. Attends, mais laisse-moi parler. Dis-lui avant que je t'éclate la gueule. Putain, mais il a des cicatrices partout et tout. Et voilà, on dirait qu'il va me tuer. Franchement, il a un regard de tueur et tout. On dirait, et quand je te fais un coup de pelle dans la gueule comme ça, ça fait mal. Putain, mais c'est pas possible. Ah, écoute-moi bien, Poufias, là. Déjà, de une, tu me parles pas comme ça. De deux, on touche pas aux femmes ici. On touche pas à la prostitution, on laisse ça aux Itales. Nous, on s'occupe que des valises. Que de la cam. Après, qu'ils prennent 3000 euros dans la valise, qu'ils la ramènent, et qu'ils me disent qu'il a rien pris, ça me rend fou, ça. Alors, je vais te laisser 10 minutes. 10 minutes pour venir jusqu'à la Pinède. Tu me ramènes les sous, et on oublie tout parce que t'as pas l'air méchante. Ok, Poufias ? Pinède ! C'est quoi, Pinède ? La Pinède ! T'es pas allé à l'école, Noël ? La pinède, c'est là où il y a les pains, là. Les pommes de pain, les pinèdes. Il n'y a pas de pain ici, vous êtes où là? Dans la pinède, t'as qu'à rouler, t'as une voiture. Bah ouais, bah putain, mais c'est pas possible. À gauche, il y a quoi? Dis-lui ce que tu vois à gauche, Mathieu. Mathieu! Mathieu! Il s'est endormi, j'ai trop tapé sur la tête. Putain, mais c'est pas possible. Putain, mais vous êtes où, merde? Attends, il dort, ton fils. Je vais le réveiller avec un coup de mouflon dans le... Je mets un gros coup de savate dans les couilles, ça va le réveiller. Mathieu! Je vais le réveiller, 2 secondes. Avec toi! 1, 2, merde, merde, merde, merde, putain, mais arrête, merde! Merde! Allô? Allô? Allô? Ouais? Putain, dis-moi où t'es, merde, je viens te voir, là! Je sais pas, il y a des mouches. Mais il se fout de ma gueule ou quoi, tu vas? Attends, il se réveille pas, ton putain de connard, là. Ton tromblon putain, de fils. Putain, je te jure, je vais venir t'exploser la tronche, toi. Tu me dis tout de suite où t'es. Il se réveille pas. Mathieu! Oui. Ah, c'est putain. Bon, il s'est réveillé. Mathieu! On est dans la pinède, je te dis. T'entends pas? La pinède, hein? Et te parle! Qu'est-ce salope! Que tu là connard! Me parle pas comme truc ça! Putain yo! Amène l'autre putain, gamin. C'est quoi ta musique de merde là? Fuliani. Ouais. Fuliani. Oh ouais. Je suis là. Amène. Ah oui. Allô. Amène l'autre gamin là. Tiens. Je vais lui montrer à sa connasse de merde. L'autre piaf. Tiens. Vas-y. Tiens, amène-moi le. Allô. Amène-le moi. Mets-le à genoux. Mets-le à genoux. Allô. À genoux, petit. Allez. Mets-le à genoux. Allez, allez, allez. Allô. Allez. Tu veux entendre ton fils se faire décapsuler la cervelle? Ah, de la bonne oh chair d'enfant. Allez, allez, ah allez. Allez, allez. Ah oh maman, maman! Aide-moi! Tu es un cerf! T'es où? J'ai tué un cerf qui passait là, putain! T'es où? Oh, il y a eu du cul ce cerf! Putain, il allait nous charger avec ses bois! Bon, dis-lui on est à ta mère, je crois que c'est bon, Mathieu! Maman, on est sur énergie! Ils arrivent à le faire pendant 2 heures, sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Ah ouais, ouais, Noël, c'était Guillaume, on est en direct sur Énergie, c'est Guillaume Radio 2.0, Noël. Putain, bonsoir. Mathieu, il veut faire de la radio apparemment, il s'entraîne déjà par téléphone. Ah, c'était énorme. Bon, on est en direct sur Énergie. Mais vous y avez cru ou pas? Bah oui, j'y ai cru. C'est vrai, bah vous inquiétez pas, tout va bien. Oui. Oui, c'est une connerie, on est en direct sur Énergie. C'est pas vrai, hein. Putain, Mathieu, je te jure que c'est ta fête conscience. Bon, tout va bien, Noël. Et en tout cas, grâce à vous, Noël, du coup, il a fait le clash, du coup, il va gagner un beau cadeau, on va lui filer un truc à Mathieu, ouais. D'accord? Bravo, Mathieu. Oh, merci. Ok. je m'excuse pour tout ce que je vous ai fait, Noël. Bon, bah moi aussi. Rien n'était pensé. Ouais. Hey, tu pourrais dire à ta maman que bah tu l'aimes, Mathieu. L'été, hein. C'est le principe de cette émission, c'est qu'on dit à sa maman qu'on l'aime après. Je t'aime fort. Ah. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je t'aimais fort en mettant une. Ah. C'était au passé. Bon, Mathieu et Noël, je vous fais une mise à tous les deux et je vous repasse le standard, d'accord? Mathieu, je te passe le standard pour gagner un cadeau, ok? Bisous. Ouais. Allez, bisous, Noël. Au revoir. Salut. Bonne soirée. À maman. Et Mathieu, tu veux faire une dédicace avant de partir? Moi je fais une dédicace au lycée Interfort et à ceux qui me reconnaîtront. Vas-y, y'a pas de problème. Eh bah, dédicace à tout le monde. Hein. Ouais. Merci frérot d'être passé en tout cas. De rien. À bientôt. Salut. Salut Mathieu. Mathieu, 15 ans de piscine en 80 km/h en direct sur Énergie de 22h à minuit du lundi au vendredi. Hein, tous les soirs maintenant. Spécial en mode mafia aujourd'hui là. On va vous filer du coup les PS4 du coup avec, enfin celui qui nous a proposé le défi. On se fait Snake dans 30 secondes. Mais celui qui nous a proposé le défi non, sur Twitter, il a dû nous envoyer son numéro parce qu'on a demandé les numéros de tous ceux qui ont envoyé des défis. Avec le hashtag Guillaume défi la mafia, vu que Mafia 3 sort aujourd'hui sur PS4. Oui. Le nouveau jeu qui Allô défonce là. Allô. Allô. Alors j'ai ton Twitter mais j'ai pas ton prénom frérot. Julien. Ça va Julien, c'est Guillaume sur NRJ, je pense que t'avais compris. Ça va, salut, ouais, j'avais bien compris. Tu as entendu ton clash, j'imagine. On vous a demandé de nous proposer des défis et t'avais proposé qu'on fasse un clash avec la mafia. Tu viens d'où Julien? Voilà. Moi là je suis actuellement à Caluire parce que je suis en études, du coup je bouge un peu. Dans le 38, Caluire et Cuire. Non, dans le 69. Caluire et Cuire, ouais. C'est ça. Lyonnaise. Exactement, Caluire et Cuire. Eh bah vas-y, sois bienvenue Julien, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Et tu travailles dans quoi toi du coup? Non, moi je suis en études de management. De management. Ah, oh, manager. Monsieur le manager. Monsieur le manager. Monsieur le cadre. Oh, ah, tu vas t'habiller comme chez stagiaire. Oh, facile. Ouais, alors, il va mettre des pulls comme chez stagiaire. L'erreur de ma vie, c'est ce matin, la chemise est bien. Non, c'est pas l'erreur d'une vie, c'est une journée. Déjà, c'est bien. Mais c'est beaucoup. Attends, c'est mieux demain, c'est l'avantage. Ouais, bah, vivant demain, alors. Ah là là. On a la pression maintenant. En tout cas, Faro, je t'envoie la PS4 demain matin, d'accord? Ah, c'est super au top, les gars. Mais bah, de rien. Écoute, ça me fait franchement, plaisir. Franchement, je vous écoute souvent. Restez comme vous êtes. C'est super. Ça fait combien de temps que tu connais l'émission? Oula, bah, j'écoute depuis 2 ans, là, au moins. Ah, ouais, d'accord. Putain, c'est gentil. Ah, bah, ouais, écoute. Ouais. Bah, je suis un peu déçu que ça passe plus le dimanche, mais. Ah, ouais, je sais, nous aussi. Eh oui. Nous aussi. Du coup, voilà. Mais je peux te dire un truc, Ça va peut-être revenir un jour. Intéressant. Non, c'est possible que ça revienne un jour, je dis. C'est comme tout, hein. Il est pas mort le dimanche. Exactement, hein. C'est comme tout. Il est pas mort le dimanche, il est pas mort. Bah, nickel. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est possible qu'il revienne le dimanche, d'ailleurs. Ok. Pourquoi pas. D'accord. On verra l'audience que fait Mickaël le dimanche. S'il tient la tronche ou pas, s'il tient pas la tronche, qu'on nous appelle à la rescousse. Ah oui. On n'ira pas. Non, pas du tout. En plus, non, pas du tout. Alors, je vous explique vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment. En fait, maintenant qu'on a le vendredi, on trouvait ça plus simple pour les horaires à comprendre. Il y en avait qui ne comprenaient pas. Oui. On était là le dimanche 20h minuit, la semaine 22h01h. C'était quand même compliqué. Ouais. Là, maintenant, c'est 22h minuit tous les jours. Voilà, boum. Allez, lundi, vendredi, papa, normalement, les horaires. Il n'y a pas plus simple. Tu comprends direct les deux dernières heures de la journée. On termine, on garde le meilleur pour la fin. Il y a toutes les expressions qui marchent en plus. Et on se retrouve le soir. Non, mais c'est pour rire, mais je veux dire, vraiment, c'est plus simple que. On était un peu là le dimanche, on n'était pas à la même heure à la semaine. Du coup, les gens, ils comprenaient pas quand on était là. Ils nous disaient, mais attends, il est. Ils étaient perdus, les gens. Il est 20h, pourquoi t'es pas là? Parce que c'est quoi la semaine? Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ouais. Dans la vie, il faut faire les choses simples, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Quand t'aimes une fille, tu dis que tu l'aimes. Quand tu l'aimes pas, tu dis que t'aimes pas. Mais c'est vrai, en plus, quand tu fais les choses simplement, ça marche vachement mieux, tu vois. T'as une gonzesse, toi, Julien, d'ailleurs, ou pas là? Oui, j'ai une copine. Depuis combien de temps? Ça va faire un an et demi. Ouais, ça va? Ça se passe toujours bien? Ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais, c'est vrai. Au lit, ça se passe toujours bien. À distance, mais ça se passe bien. Ah, pourquoi? Elle est où? Elle est à Lille. À Lille, d'accord. Ouais. Voilà. C'est loin quand même. Ouais. Bah, de Lille à Lyon, ouais, c'est un petit peu compliqué, ça dépend. Il y a des relations qui durent longtemps. Hein. Ouais, mais ça dure longtemps, ça va, c'est stable. Ouais. Elle est gentille, elle est douce. Est-ce qu'elle est douce, tu veux dire sur la peau ou Non, c'est une fille qui est douce, elle a envie que ça marche, tu sens qu'elle est. Fais attention. Ça se passe très très bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, parfait. C'est important. Elle te fait des cadeaux, tout ça. Ouais. Elle est généreuse et profite pas de toi. Non, c'est important. Ouais. Ah non, mais ça c'est grave. Une gratteuse, c'est... Mais c'est hyper important. Vous avez une fille qui commence à profiter un peu de toi, faut faire attention. Hein. Ouais. Recule pas la PS4. Non, ça c'est vrai. Non, mais typiquement, tu vois. Tu peux jouer avec elle, mais il faut te laisser jouer le soir. Quand t'as envie de jouer, tu joues. Quand t'as pas envie de jouer, tu joues pas. Mais faut pas. C'est un homme libre quand même. Non, pas la musique de mafieux. T'en fais trop, on n'y croit plus. Mordoir, vous êtes des ouf. Je suis pété de rire avec le clash. Eh ben merci beaucoup, les gars. Dis-nous comment vous êtes trouvé le clash aussi. Ça nous fait plaisir quand vous envoyez des messages. Guillaume et votre message, les gars. Je t'embrasse frérot, je te repasse ce flou. Mais bien sûr, vas-y. Ah super, nickel. Bah déjà la famille, les potos, Cyril, Pilou, Loulou, Rémi, Camille, Joss. Bon, c'est notre clique, elle s'appelle la bande des Gorets. Et donc ma copine bien évidemment, Thomas, Mathieu, Marine et Pierre. Eh ben pas de problème, dédicace. Est-ce que ça veut dire goré, j'ai stagiaire? Ouais, c'est un coucou, un débile. Un goré, ouais, c'est un mec. Ça fait un peu cochon aussi, donc ça fait sympa. Ouais, un neuneu, quoi. Ouais, c'est un peu les neuneux, on dit un peu goré. Ouais, un peu. Ouais. Voilà. Je connais, ouais. C'est un peu beauf. Mais un goré. Flo m'a appelé, Flo des cadeaux, et m'a pas rappelé, il y a des possibilités. J'ai l'impression qu'il rappelle personne. Merci, mais j'ai jamais eu de Julien dedans. Attends, alors, non, mais si, il le dit. Alors là, attention. Je veux pas vous confronter. J'ai appelé Julien. Il peut y avoir confrontation. Ah, non, tu sais quoi, on va laisser Flo et Cadeau te rappeler maintenant. Tu vas le rappeler maintenant et puis voilà, parce que c'est bon. Hey, on va pas faire ton boulot à l'antenne non plus. Non, vraiment. C'est vrai. Allez, on parle de cul, vous bougez pas 30 secondes de bœuf. Ok. Sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Alexia de Niort. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu dans 6-9 sur Énergie. Et voilà. Je vais doubler tes 1 450 €, ça va faire 2 900 € pour toi. Ah, merci, c'est trop génial, je suis trop contente. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Vous rêvez d'être DJ pro? Rejoignez l'un des 5 campus DJ Network, première école de DJ producteurs en France, et décrochez votre diplôme reconnu par l'État. Lancez-vous avec DJ Network, partenaire officiel des Energy DJ Awards. Plus d'infos sur dj-network.com. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Et pourquoi pas trouver l'amour? Accédez à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service en envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. 50 centimes plus prix du SMS INRJ. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec énergie, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Allez, sur Énergie, Guillaume Radio 2.0, on est là, 23h49, c'est du direct. 4-1 pour la France. Ouais, ils ont gagné contre la Bulgarie. Voilà, qu'on jouait ce soir, d'ailleurs, on est en direct même le vendredi. Bon courage à vous si vous sortez ou si vous êtes au boulot, on se fait plaisir avec les plus gros hits. On va parler de cul après. S'il y en a qui ont déjà eu pareil, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une histoire comme ça, comme on en parlait juste avant? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à cause d'un rapport sexuel? Après, que ça soit un rapport humain, un problème humain, il y a quelqu'un qui a venu vous casser la gueule, est-ce que vous avez, vous avez laissé une trace, vous étiez en couple, vous avez attrapé une petite maladie, une petite cochonnerie, vous êtes coupé, vous avez bien du mobilier. Une histoire comme ça, vous m'envoyez un texto en commençant par Guillaume. Un espace, c'est votre histoire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un problème à cause d'un rapport sexuel? Donc Guillaume au début du texto pour qu'il arrive dans mon studio. Vous l'envoyez au 6-11-12. On se fait Snake maintenant avec Justin Bieber, là, le nouveau, il s'appelle Let Me Love You. Et on prend toutes vos réactions à l'antenne jusqu'à minuit sur Énergie. Après, ça sera les DJ qui vont prendre la relève. Il y a un texto à minuit là. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. I 16h, fin de plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Salut Guillaume, moi j'ai appris que j'étais cocu il y a 2 ans, depuis je suis en dépression. Oh putain. Ah merde. Si tu veux nous en parler, vas-y, hein. Tu passes à la radio si tu veux passer 2 minutes et tout. Ouais, bon courage. Hein. C'est ta radio maintenant. 23h53, là, on fait de la radio ensemble, on se raconte tous nos histoires. Est-ce que vous avez déjà eu des. Pareil, hein, des problèmes après le sexe et tout. Toi, Adrien, là, qui est trans. Jade, maintenant. Je peux t'appeler par ton prénom, quoi. Ouais, Jade. T'as ton nouveau prénom, voilà. T'es habitué, t'as déjà eu des problèmes à cause d'une relation sexuelle, toi? Bah, non, pas trop. Non, t'as en fait, c'est assez linéaire avec moi. C'est-à-dire? Bah, genre, il se passe pas grand-chose, donc... C'est vrai? Ah, t'es un peu chiante, en fille? Non, pas du tout, au contraire. Je suis très, très, très ouverte, mais j'ai pas encore eu beaucoup de rapports. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est le début, quoi. Ouais, ouais. Ça t'a pas encore eu... T'as eu combien de mecs dans ta vie? Bah, de mecs en couple. Non, non, dans les fesses, enfin, en amour, quoi. En sexe. 5, 6. Ah oui, d'accord, bon, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien, un petit chiffre. Ah ouais, putain, hein, attends. Moi, à 19 ans, j'en avais connu une. Ah, pareil. Non, deux, oui. Pardon. Ouais, deux. Ouais. Ah ouais, donc c'est pas mal quand même. T'as vu un peu du pays, quoi. Ouais. Ouais. Et attends, alors, parce qu'il y a Jason, il y a Florian, tu m'entends, Florian, 25 ans à Chartres aussi. Hein, vous êtes hyper amoureux. Salut. Vous allez bien. Dédicace à ceux qui vont sortir sans boîte. Ça donne envie de sortir, ça. Ça me donne envie de sortir. Ah ouais. Je te jure, là, j'ai. Ah ouais, et on sort. Allez, on sort ensemble. Viens, allez, Adrien, Jade, Florian. Fait une grosse soirée. On va en boîte. C'est parti. Ah ouais. Et quand tu vas en boîte, Adrien, tiens, toi qui es trans, tu t'habilles en mode vraiment femme, du coup, t'en profites ou pas? Non, je m'habille pareil, en mode androgyne. Ah, c'est vrai, entre les deux. Et pour les toilettes, comment tu fais? Tu vas chez les femmes ou chez les hommes? Je vais chez les femmes. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et on te dit rien, genre, là, donc ça se percute pas trop, quoi? Non, personne m'a jamais rien dit. C'est vrai, ah bah voilà. Donc je passe bien. Ouais. Ah bah voilà, exactement. Et on te dit bonjour madame ou bonjour monsieur? Bonjour mademoiselle. C'est vrai? Ah, donc c'est quand même que tu ressembles à une femme, tu ne ressembles pas trop. Oui, j'ai de la chance, j'ai pas un physique ultra masculin de base. Ouais, d'accord, parce que si on te dit bonjour mademoiselle, c'est que vraiment... Ça ressemble à une fille, ouais. Oui, c'est bah, bien. C'est la coupe de cheveux surtout. Ouais, la coupe de cheveux, elle fait tout, quoi. Ouais. Et toi Florian, alors, on se racontait les problèmes qu'on avait eu à cause d'un rapport sexuel. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Ouais, grosse soirée improbable, complètement c'est improbable. Ouais, bah écoute, marché de Noël en Belgique, je viens de Belgique. Et donc, avec des potes, on s'est pareil, des bons vieux potes qui te mettent dans des guet-apens là, tu vois. Et donc, il y a une serveuse qui nous aimait bien, et à chaque fois, bah, elle me lançait des paris, tu vois. T'es pas capable d'aller l'embrasser, t'es pas capable d'aller lui faire un câlin, et puis bah, ça s'est terminé par t'es pas capable d'aller la ramener. Et le problème, c'est que c'était une fille qui était vraiment en surpoids. Donc bon, ben, je l'ai ramenée chez elle. Et alors, première chose, c'est ben, j'ai constaté qu'elle avait un petit chihuahua. Alors bon, moi, j'aime pas trop ces petits chihuahuas-là. Quand elle s'est sautée dans le lit, je te jure, il y a un pied du lit qui s'est déboîté. J'éteins la lumière parce que bon, j'étais pas très très bien. Et ben, en fait, quand j'étais en train de lui faire l'amour, ben, il a réglé les mots et moi, j'ai bavé, lui s'est mouché dessus. Quoi. Ah putain. Voilà. J'ai mis en arrière, n'écoutez pas lui. Il est en train de faire un morpion sur son ordi, je sais pas ce qu'il branle là, mais. Il a rien du tout, Tinder. Il est constamment sur son écran. T'as des lunettes, frère. Éteins ton ordi, tu vas t'allumer les yeux, ça te sert à rien. Tu t'en sers pas pour l'émission. Éteins-le, débranche la prise. Oui, mais j'ai pas, c'est juste que j'ai rigolé, mais je me suis pas mouché dessus. Profite, il y a eu un éclair ou quoi? Il y a eu un bruit bizarre. Il y a eu une explosion, un truc, non? Non. C'est... Attends, pourquoi il y a... Il va pleuvoir, il y a un orage ou... Ah, il y a un autre bruit là. Non? Ah oui? Mais peut-être qu'il pleut dehors, ouais, je sais pas, j'ai pas vu. Nuit, là. T'as entendu, je ne sais pas. Ouais, aussi un truc bizarre. Attends, je vais ouvrir quand même la fenêtre. Ah, c'est la météo, c'est... Il y a pas eu... Ou alors une voiture, je sais pas, c'est les voisins. Non, j'entends rien, non. Moi, j'entends rien. Bon, je vais laisser ouvert 2 secondes. Au cas où. Au cas où il y a des gens qui sont rentrés dans le bâtiment, quoi. Je sors. Ah merde, je sors par la fenêtre. Je suis stagiaire, t'es moins bien placé. Je fais le guet parce que je suis devant. Non, mais il cherche. Ah ouais, non, mais le guet aussi, ouais. Non, mais c'est le mec qui. Je sais pas comment on appelle ça. Excuse-moi, Florian. Hein. Florian, 25 ans, parce que je crois que c'est une bombe nucléaire qui a sauté sur Paris. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. Ouais, c'était bizarre. Ouais. Ou alors c'est quelqu'un qui a tapé, non? Non, mais il y a eu 2 trucs pour moi dans mes oreilles. Ouais, il y a eu 2 trucs, bon, on va savoir. Vous avez entendu, Flo, des cadeaux, tout ça, non? Non. Ah, t'as eu, toi, Julien? J'ai entendu, ouais. Vous êtes à côté, vous entendez pas? Ouais, moi, je sais pas. Un vomissement, là. Un quoi? Un comment? Un vomissement. Ah, t'as bien fait. J'ai essayé de le placer. Non, mais attends. Quoi? Il y a un bruit, là. Ah ouais, non mais c'est toi, j'ai pas moi. Là, arrête. Celui-là, c'est moi quand j'étais mon ordi. Ah, mais tout à l'heure, mais tu vois, voilà. On a peur, j'y ai. Mais dis-le, du coup. Mais je viens de m'en rendre compte. Je viens de m'en rendre compte quand j'ai. Vas-y, fais-le. Bah oui, ça va. Donc on s'inquiète. Donc j'avais raison, il y avait rien. J'y crois pas. Ah, ça va, on est rassuré alors. Tranquille. Bon, excuse-nous, chef Florian. C'est bon, c'est pas la troisième guerre mondiale encore. Ah non, ouais. On est encore un peu. Pas encore. On va se toucher la tête deux fois, tout ça. Voilà. Ah ouais. Alors, attends, vas-y, mon Florian. Donc, qu'est-ce qui t'arrive alors? Chihuahua. Ouais. Bah, ouais, donc mes potes m'avaient amené dans un guet-apens, donc avec les paris là. Et donc, du coup, quand je l'ai ramené chez elle, donc j'ai éteint la lumière parce que bon, j'étais pas super bien. Et quand je lui faisais la mort, il y a son chihuahua qui venait à chaque fois me lécher les pieds. Ouais. Merde. Et donc la première fois j'ai rien dit, la deuxième fois je l'ai mis un petit shot gentil, tu vois, pour qu'il s'en aille. C'est un film le truc. Et ouais, la troisième fois j'étais en levrette et j'étais à fond dedans, tu vois. Et là il est venu me lécher les pieds, je lui ai mis un énorme kick. Et là j'ai juste entendu le chien faire un petit oui comme ça. Ouais, il a compris. Il est parti. Ouais. Et sauf que, ouais, alors le pire, c'est que, donc on était dans le noir, donc quand j'ai fini, en fait, j'ai marché sur un bout de verre dans sa chambre, et tu sais, j'avais bu, donc mon sang, il était fort liquide. Ouais. Et donc, elle a allumé la lumière, et il y avait une flaque de sang, et son chien, en fait, il était en train de lécher tout mon sang. Ah, merde. Attends, j'ai pas compris, tu saignais du nez, c'est ça? Du pied, je me suis coupé. Ah oui, d'accord. Et le chien, il est chez tout, quoi. Oh. Ouais. Une soirée improbable. Bah, et alors, le chien, il mange des trucs qui ont de l'odeur. Hein, donc, il se rend pas compte, le chien. Ça, ouais. Bah, et le pire, c'est le lendemain en cours, tous mes potes, ils se foutaient de ma gueule parce que j'avais cours de sport en volley et je boitais comme un con et tout le monde me demandait ce que j'avais fait et j'étais trop honteux, je voulais pas dire ce que j'avais fait. Voilà. J'ai essayé aussi, il a déjà boité. C'est pas sur un bout de verre qu'il a marché. Exactement. C'est pas bien de dire ça. Moi j'ai déjà croisé, j'essayais en boitant en petite jupe. Ah oui, en jupe, c'est quand? Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui parle évidemment de sa jupe. Il me dit, je me suis fait mal à la cheville, j'avais pas ça, tu boites. Ouais, pas du tout. Chez les lions, la crinière ne représentera bientôt plus le roi mais la reine. Ah d'accord, ok. Très bien. Alors, salut, on dit à Chad, bonjour monsieur, dame, salut. Ah ouais, c'est vrai, mais moi je sais pas trop quoi dire. Moi, je parce que quand je suis, dans une émission de télé, tous les jours, et il y a une autre émission de télé qui partage le loge qui s'appelle Le Grand Journal, et il y a un trans dedans, enfin un monsieur, dame. Ouais. Et du coup, quand je le croise, ça m'arrive régulièrement, c'est un mec. Je le croise tous les jours à la loge, on s'habille à côté. Et du coup, je sais jamais dire. Oui, bon, salut, ça va, salut tout court. Et là, je fais hey. M'a fait la bise. Je vais bro. Non, mais tu dis salut, ça va, mais tu sais pas trop quoi dire, quoi. Tu dis. Tu dis madame, non? C'est un homme. Bah non. C'est un homme. Non, mais le genre, j'ai failli rentrer et dire bonsoir les filles. Et là, je l'ai tourné la tête et je l'ai vu, monsieur, dame, là, et je savais pas trop quoi dire. Il a l'habitude. Non, mais c'est un mec. Oui, voilà, ouais. Mais bon, tu sais, il faut faire gaffe, quoi. Oui. Attends, Jason, toi, il y a ton prof d'éco-droit. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jason, 21 ans, pour terminer, puis après, tiens, ouais, salut les meilleurs. Salut les meilleurs. Vous allez bien? Salut. Salut. Raciste. Les meilleurs. Ça saignait la première fois qu'on l'a fait, elle a taché les matelas et plus de caution. Bonsoir VDM. Salut, VDM. Ça part pas le sang, c'est chiant. Ah, et plus de caution, pourquoi? Je comprends, c'est un appartement que tu louais avec un matelas déjà. Une grosse tache de sang. Ah ouais, c'est relou. T'as déjà fait, toi, j'ai une grosse tache de sang. Ah ouais, il y a pas longtemps en plus, à cause de ma verrue. On s'en fout, mais elle s'est ouverte la nuit. Ouais, j'en avais partout. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ça fait un an que tu as ta verrue. Ouais, alors pour te tenir au courant, tu vois, elle est en train de partir là. Elle est énorme. Ben oui, mais depuis le mois de mai, je l'ai. Mais qu'est-ce que c'est que cette? Je suis allé consulter, chez un dermatologue. Et il m'a dit d'attendre un peu, donc elle là elle part, elle sort, tu vois. Il y a un problème. On m'a dit que ça pouvait durer longtemps. J'ai jamais vu une verrue aussi grosse. On dirait les Indiens sur internet. Je crois qu'elle m'aime bien. C'est les trucs du Moyen-Âge et tout. C'est pas beau, mais attends, t'as un problème là. Non, mais ça va partir. T'as un deuxième pouce qui sort. Non, mais elle pendouille, tu vois. Elle est horrible. Si tu veux l'enlever, on l'enlève, mais ça fait six mois. Non, mais en plus, normalement, il faudrait. Je crois que c'est hyper contagieux ces merdes. Ouais, ah bah j'ai les verrues. Attends, en vrai, il faudrait. Je mets des sparadraps des fois, mais. Faudrait être obligé à porter un gant là. Bah non. Parce que là, tu touches des trucs, on touche aussi. Il faut qu'elle respire, la verrue, la pauvre. Faut pas toucher un truc qu'il a touché. Oh là là. C'est la main gauche, pas gaucher. Je vais te serrer la main avec un gant, ma part. Non, c'est la main droite. Non, mais quand même, c'est pareil. Oh, ça va, j'ai pas la peste. T'as jamais mis ce doigt-là dans une fille, non? Le pouce, c'est un pouce. C'est le pouce gauche. Le pouce, je le fous jamais dans une fille. Ah si, moi, ça me dit. Bah oui, tu pousses la fille. Je pousse la fille. Tu dois faire le pouce. J'ai un stagiaire, elle se fait passer pour une femme pour se prendre des images. Ah, c'est pas bien. Bonjour du Cantal, Ludo, jeune agriculteur. Salut. J'ai un stagiaire, adore faire tomber la savonnette dans les douches. Ah, non. Des vestiaires, c'est pour ça qu'il kiffe aller au foot. Pas du tout. Tu m'étonnes que j'ai un stagiaire boîte, il a toujours une bosse sous pantalon au niveau de l'anus. Salut, baba. Ah, c'est dégueulasse. Je vous écoute depuis tous les jours, depuis un an. J'adore ton émission. Sans j'ai rien, bon week-end à toute l'équipe. À lundi, amusez-vous bien. Salut, mon Chris. Là. Salut. Dommage, je vais rencontrer une prochaine fois. Pense à mon FIFA. Ah, c'était quoi cette histoire? Attends, on va t'appeler. Ouais. Jason, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, alors, ma première année de lycée, j'avais un prof d'éco droit qui avait 26 ans à peu près. Ouais. Donc moi, forcément, j'arrive timide première année de lycée, bref. Et j'étais assez fêtard, j'avais 15 ans. Et je voyais que lui aussi, il était un peu fêtard. Donc, j'ai sympathisé un peu avec lui. On s'est échangé des numéros pour sortir en boîte. Et il habitait pas loin de chez moi. Et sauf que le premier soir, le premier message qu'il m'a envoyé était vraiment bizarre. Il m'a envoyé un message pour me dire que je l'attirais. Donc moi, 15 ans, forcément, je pense à la rigolade, je comprenais pas grand-chose. Ouais. Et à fur et à mesure du temps, en fait, il m'expliquait vraiment qu'il était attiré vers moi sexuellement et que ça lui tentait de faire des choses et tout ça. Donc moi, j'arrive en cours avec lui un petit peu intimidé. Et après, il me donnait des bonnes notes, donc c'était pas mal. Au départ, j'en rigolais. Et sauf qu'à la fin, je rigolais moins parce que les messages étaient un peu trop persistants. Donc j'ai été voir mon directeur un matin et je lui ai dit. Et il m'a pas cru. Donc il m'a dit, écoute, donne-moi son numéro. Donc je lui donne le numéro. Là, il s'est assis, il est devenu blanc. Il m'a dit, Jason, assis-toi. Il me dit, j'appelle tes parents. Forcément, je n'étais pas majeur, 15 ans. Et il me dit, tu restes là tout de suite, mes parents sont arrivés. Il a fallu que j'aille porter plainte à la gendarmerie en leur montrant tous les messages parce que c'était vraiment du harcèlement. Harcèlement sexuel. Et ce prof-là, au final, moi, j'ai eu une semaine de vacances chez moi, le temps que ce prof-là soit viré. Et puis, voilà comment ça a fini. Ah ouais, putain. Ouais, il est parti. Ouais. Il s'est fait virer, il a eu d'autres problèmes ou pas? Il s'est fait vraiment... lui, il sortait d'école d'éducation, enfin bref. Et donc, il est arrivé là. Et puis, premier blâme. Et puis il s'est fait rejeter de l'éducation nationale. Ah ouais, direct. Ah, il est cramé, ah ouais, le mec. Ah bah c'est bien. Heureusement. Ah mais il est complètement cramé, ouais. Mais ensuite, genre, quand tu sais qu'il insistait, il te disait quoi? Ah ouais, à cette heure-là, je pense qu'on peut le dire. Premier message qu'il m'a envoyé, il me disait j'aimerais trop te faire une fellation. J'aimerais bien te la mettre. Enfin, tout ce que. C'est vrai que vous pouvez. Ah, c'est direct. Il est bête ou quoi? Il s'en doute pas que. Carrément direct. Ouais. Ah ouais, non, mais il était vraiment direct. Et puis, moi, 15 ans, tu rigoles pas, alors qu'il a 26 ans. Je devais avoir 4 heures de cours avec lui par semaine. Donc je rigolais pas. Il y a que mon prof de cuisine qui m'a dit parce que lui il était au taquet aussi. Il était excellent. Il m'a dit écoute, il me dit t'as 15 ans. Il me dit tu prends les messages, tu vas le voir dans un coin. Et si t'as envie de te faire de l'argent, tu l'harcèles. Tu lui dis que c'est soit qui te donne de l'argent ou soit qui va porter plainte à la gendarmerie. Ouais. Mais bon, à 15 ans, je faisais pas trop de malin. Donc j'en ai parlé à mon directeur et puis mon directeur il m'a dit non. Il me dit là tu retournes chez toi le temps que ils ont fait ramener la gendarmerie. La gendarmerie est venue chercher au lycée devant tout le monde. Oh là là, donc, putain, il a cherché à la honte. Le prof de dingue. Ouais. Le prof de dingue. Ouais, c'est compliqué ça. Ah, de dire j'ai fait une fellation, je vais te la mettre et tout. Ouais. Et toi tu lui répondais quoi? Genre tu lui répondais merci. Ah moi je lui répondais que j'étais pas du tout de son bord et que ça m'intéressait pas du tout. Enfin, au départ, je prenais un peu à la rigolade. Au départ, je me dis, il a 26 ans. Je dis, bon, c'est un rigolo, quoi. Et sauf qu'au final, à fur et à mesure, non, parce que j'étais dans son cours. Et comme par hasard, il me regardait tout le temps. Il mettait tout le temps des bonnes notes. Il me donnait régulièrement les réponses des contrôles la veille. Après, j'ai dit, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est quoi cette bizarre? Jusqu'à me payer des cigarettes, hein, pour vous dire. Parce que j'étais en internat. Lui, il cherchait la merde. Bah oui. Vraiment se dire, allez, comment j'ai niqué ma carrière en deux jours, quoi. Bah ouais. Putain, lui, il a carrément niqué sa carrière. C'est sûr, et en plus, il a qu'une personne, quoi. Bah tant pis pour lui, hein. Ouais. C'est mieux comme ça. Il a qu'une personne, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais je me dis, dans ma classe, j'avais des petits, des petites personnes, à eux, ça serait arrivé. ils seront laissés faire et ça aurait très mal fini, je pense. Ah, tu crois, ouais. Bah, il faut parler. Ouais, déjà, t'as déjà su un CPE. Non. Arrête la question, moi. Le rapport. Non, bah non. Pour éviter un avertissement. Et qui me renvoie de l'école. Hein, merci, mon Jason. Tu veux faire une dédicace ou pas avant de partir, du coup, là? Ouais, je voulais faire juste une petite dédicace à ma femme qui s'appelle Marie-Ange et puis dédicace à tous les chamoniards et puis voilà, ceux qui m'en reconnaissent. Il n'y a pas de problème. Et dédicace à vous surtout, je vous écoute tous les soirs et vous êtes les meilleurs de la radio française. Ah, c'est gentil, merci. Ah, c'est trop sympa, merci. Merci mon Jason. Je te repasse Julia direct et puis on va prendre des coordonnées. Pas de soucis. Ok, allez, bisous plutôt. Bon courage. Salut Jade, Adrien, gros bisous, Florian aussi. Merci de tous les coups de fil et tout. Je vous embrasse tous très fort les mecs. Gros bisous, merci d'avoir passé la soirée. Non, on a bien rigolé. Hein. T'es content de passer, Adrien? Adrien, Jade. Mais moi, je suis vraiment un débile. En plus, je veux bien faire, tu vois, donc je fais attention et puis je fais une connerie. Hein, Jade, t'es content d'être passé? Ouais, bah je suis déjà passé deux fois et j'adore. Ah, c'est vrai? T'étais passé quand? Une fois pour parler de bisexualité et la deuxième fois pour parler de pareil, le même sujet que ce soir, mais c'était beaucoup plus tôt. D'accord, ok. Ah, donc on était moins rentrés dedans. Ouais, voilà. On a très bien. Bon, bah, gros bisous en tout cas, bon courage. Merci. Et à très bientôt. Salut à toi, bisous, ciao. Et donc on se retrouve lundi, hein, 22h. Bah, bon week-end à vous. Faites quoi du coup ce week-end, GM du standard? Bah, ce soir calme et demain sortie, ouais, tranquille. Ouais, demain, petite boîte, un petit peu là. Ouais, je sais pas encore, je vais voir. Je vais stagiaire ce week-end. Je vais jouer à la pétanque dimanche et peut-être que je vais au cinéma, j'ai eu des places. La mélo, t'as ici. Non, mais j'ai un pote à moi qui a déménagé et il a un terrain de pétanque à côté. Ah, ouais, c'est rigolo. Après, c'est bien la pétanque. Non, mais c'est bien. Comment il est habillé, ça va avec le pétanque, j'ai pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Alors, c'est marrant, la pétanque. C'est rigolo, moi, j'aime bien, moi. Julia, ce week-end? Je vais en Normandie, en fait. D'accord. Voilà, donc petit week-end sympathique. Ah, très bien. Et bah, qui fait bien, cool. Flo, les cadeaux? Moi, je vais voir mon meilleur ami. Ah, très bien. Ouais. Très bien, où ça? Au Mans. Au Mans, d'accord. Ok. Ouais, et bah, kiffe bien, kiffez bien. Minuit 9, si vous voulez venir en direct, vous êtes les bienvenus. Comme chaque soir, vous pouvez me dire par message, on vous rappellera lundi. Avec plaisir pour passer 22h minuit. Gros bisous les mecs, bon week-end. Est-ce qu'il est prêt, Tiesto? Il est prêt. Je dois passer un petit jingle que j'avais oublié. On se le calme maintenant. On se retrouve lundi. Faites gaffe si vous sortez, soit si vous êtes en mode boîte ou quoi, en voiture et tout ça. Faites gaffe. Enfin, celui qui conduit, celui qui boit pas, on le dit à chaque fois, mais c'est important. À chaque fois, on a des messages un peu tristes le lundi, donc faites gaffe quoi. Kiffez bien, bon courage pour le boulot. S'il y en a qui bossent le vendredi soir, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là et puis je vous laisse avec Tiesto. Vous entrez maintenant dans le plus grand club du monde. Toutes les plus grosses bombes dance, toutes les meilleures exclus. L'émission dance numéro 1 sur la première radio musicale de France. Eh oui, ça y est, après Guillaume Radio 2.0, on passe en mode week-end avec vous, en mode teuf, jusqu'à 6h du mat. C'est Tiffany et les plus gros DJ viennent mixer au platine d'énergie Extravadance. Steve Aoki, Sander Van Dorn, Armin Van Buren est là. C'est parti, Tiesto est là jusqu'à 2h. Bienvenue. Tous les week-ends, minuit, énergie Extravadance. La plus grosse salle de France démarre. Maintenant. Around the world right now, millions of people are talking about one thing. Just can't wait this night. Get you on the VIP list. Oh, yeah. Where their club life will take them tonight. For the next 2 hours, get ready to be transported to your favorite club with your favorite DJ. Featuring the best music from around the world. This is Club Life by Tiesto. Later. Frenchman Klingan brings us fresh new music. He teamed up with the German duo M22. That was Somewhere New. And that's another taste of Klingan's next coming album. You're listening to Club Life by Tiësto. The magic number 500 is coming closer and closer. I'm really excited to celebrate this milestone in a packed Ziggo Dome in Amsterdam on October 21st. I'm going to do a special 6-hour set there. And there's only like 500 tickets left. So it's going to be amazing to play a sold-out show over there in my home country in Amsterdam. Coming up, music by Mike Williams, Tiami and Mala, a new Kashmir collab and a guest mix by Helberg. But now first, Hot from the Studio, a team-up between Alihi and Arika Tito, Mind Racer. Hot from the Studio. 151 by LeBron, couple sips of that shit, how you feeling, dumb? Two shots and a couple of sticks, and how you feeling, how I'm feeling, that's the shit. 151 by LeBron, couple sips of that shit, and how you feeling, dumb? Five shots in the coke is a chaser, lose all control, call it mind eraser. 151 back, tips of that shit, I hate back. Two shots in the back, feeling how I'm feeling back. 151 back, tips of that shit, I hate back. Five shots in the back, get low back, get low back. Got low. 151 by LeBron, couple sips of that shit, how you feeling, dumb? Two shots and a couple of sticks, how you feeling, how I'm feeling, that's the shit. 151 by LeBron, couple sips of that shit, how you feeling, dumb? Five shots in the coke is a chaser, lose all control, call it mind eraser. Back. Got low. Back. Got low. Back. Got low. Back. Got low. Back. Got low. Back. Got low. Sips of that shit, how you feeling, dumb? Two shots and a couple of sticks, how you feeling, how I'm feeling, that's the shit. 151 by LeBron, couple sips of that shit, how you feeling, dumb? Five shots in the coke is a chaser, lose all control, call it mind eraser. 151 back, sips of that shit, how you back. Two shots in the back, feeling how I'm feeling back. 151 back, sips of that shit, how you back. Five shots in the back, get low. Back. Get low. Back. Get low. 151 by LeBron, couple sips of that shit, how you feeling, dumb? Two shots and a couple of sticks, how you feeling, how I'm feeling, that's the shit. 151 by LeBron, couple sips of that shit, how you feeling, dumb? Five shots in the coke is a chaser, lose all control, call it mind eraser. Back. Get low. Back. Get low. Back. Get low. Back. Get low. Énergie extravagante. Mixé par les DJ superstars hey, de la planète. This is Don Diablo, and you're tuned in to Club Live with the man, the myth, the legend, Tiësto. Dancing is what to do, dancing's what think of you, dancing's what gives my soul, dancing's what makes me whole.